Aujourd'hui, dans la vie croisière d'assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier pour sa première chronique de l'été et Simon Fitzbé geek votre après-midi avec des nouvelles de l'E3 dans le scout des internets. Assemblage requis, maintenant! Quelle sorte de danse, se faire aller le torse et les bras comme ça, c'est quoi? Mais en fait, je suivais le mouvement de la chaise. Ah, de la chaise! Oui, c'est une chaise à roulettes, donc je bougeais la chaise et ça créait le merveilleux mouvement de danse que tu viens de voir. La danse de la chaise, j'aime ça. J'aime la ça, danse ça, de ça, la chaise. Ça va pogner, ça va devenir super populaire. Bienvenue à Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante en passant. Moi, c'est Marc-Pierre Lafauche-Bourret. On est en direct le jeudi 9 juin 2011 pour une autre édition de la vie de croisière d'Assemblage requis. On part en croisière comme ça tous les jeudis. On s'amuse. On a des tonnes de gens qui viennent, qui sont parachutés d'un hélicoptère sur notre bateau. Aujourd'hui à l'émission, on va voir Simon Fitzbé avec sa chronique Le Scout des internets. Comme toujours, il va nous geeker ça à mort. Et cette semaine, en fait, en ce moment, pour nous, le jeudi, c'est encore les nouvelles de l'E3 qui paraissent. Il y a plein de choses sur les jeux vidéo. C'est une grosse foire où Sony, Microsoft, Nintendo et d'autres révèlent leurs nouveaux produits pour l'année à venir, en tout cas pour le futur, plus ou moins éloigné. Il y a plein de belles choses là-dessus, dont des nouvelles consoles, une nouvelle console de la part de Nintendo, la Wii U. On parle tantôt avec Simon Fitzbé. Sinon, on a aussi Émilie Gauthier qui va être de retour pour la première fois de l'été. On l'a pas vu depuis quelques mois, je dirais au moins quelques semaines. Au moins un bon mois. Ah ouais, facilement un mois. On sait pas encore de quoi elle va nous parler. Elle a trouvé, à ce qui paraît, quelque chose de très intéressant à nous dire. Donc, je dirais pas que ça fait changement de ce qu'elle fait d'habitude, là, mais ça va être bon. J'en doute pas. C'est le fun quand elle spécifie que ça va être intéressant. Bon, je m'attendais à autre chose. Non? qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à l'émission d'aujourd'hui? Toi, est-ce que tu nous présentes quelques affaires? Je vais vous parler des nouveautés musicales et d'un livre. Bon, je vais refaire ma chronique littéraire. Ah. Donc, je vais vous présenter un livre. Est-ce que ça va être intéressant? Ben oui. J'espère bien. Moi, j'ai une chronique, c'est un fait pour vous. Ça aussi, c'était quelque chose la semaine passée qu'on n'avait pas pu faire avec trop d'entrevues, donc je l'ai fait cette semaine. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi la semaine passée que tu n'as pas pu faire? Une chronique de... De sortie. De sortie. Oui. D'activité parascolaire. Ah, plus ou moins. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est ce qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui. On va aussi écouter plein de musique, évidemment, dont le nouvel album de Man, qui est un vétéran des palmarès. Je mets ça dans le temps. Et quelque chose qui m'a été envoyé à moi directement, La Bête, avec Nom de Plume. Eh bien, Colin, on va écouter ça tantôt. Hein? Wow. Pourquoi pas? On a aussi le palmarès à écouter. On a évidemment plusieurs nouvelles entrées. On a du côté francophone cette semaine parce qu'on on y va d'une semaine à l'autre avec une langue différente. Et là, en francophone cette semaine... Okay. Est-ce que je peux dire le numéro 20? Dis c'est numéro 20. C'est un très drôle. C'est un nom qui est très drôle. OK. C'est le groupe Métagruau avec la chanson « Feu de poubelle ». Oui. Est-ce que t'aimes le gruau? Hein? Oui, j'aime le gruau. J'aime vraiment pas le gruau. C'est par phase. Ah oui? Donc, je peux en manger comme pendant un mois pendant l'année, puis après ça, je vais arrêter pendant un an, je vais recommencer. Pendant un an? Oui, je peux ne pas en manger pendant un an, puis à un moment donné, bang, une phase gruau. Ah, moi, j'ai vécu, je te dirais, peut-être les 25 premières années de ma vie sans vraiment aimer ça. Je l'ai réessayé, je l'ai mangé. J'ai pas aimé ça, j'ai recommencé. Fait que je suis parti pour un autre 25 ans, peut-être. Bah, c'est correct. J'ai pas aimé toujours ça. Des choses comme ça. C'est des cycles, tu l'as dit. Des cycles. Donc, on va aller écouter ça tout de suite. Métagruau avec une nouvelle entrée en 20e place. Feu de poubelle. Et puis, ça va être bon. C'est bon avec du sirop d'érable, peut-être. C'est la seule façon que je suis capable de manger ça. C'est pas mal la seule. Ou juste du sirop d'érable tout seul. Ah, c'est bon, ça. Pas de bruit. ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. De finir sa Marlboro et de m'écouter attentivement. Je veux la café, s'il vous plaît. Paris était plus belle sur les cartes postales. Que je resserai chez moi à Robert-Val. Le Louvre avec une collection de bibelots, les Tuileries d'un jardin pourri. Versailles n'est qu'un vieux château, le Sacré-Cœur un temps fini, l'Arc de Triomphe traîne dans la rue. Je suis déçu par Paris. Tracteur Jack et la pièce Paris-Robertval, nouvelle entrée en 19e position francophone. Et en 20e position, c'était Métagruau avec Feu de poubelle. Assez diversifié comme bloc de nouveautés cette semaine, je trouve. Mm-hmm. Deux styles complètement différents, mais toujours très bons. Ouais. Parlons de choses qui se passent cette semaine. Où sortir, où aller pendant les prochains, les 7 prochains jours, je pourrais dire, peut-être, environ. Ouais. Environ. Commençons avec un événement qui intrigue tout le monde de par le nom, Caniche Barbecue. Caniche Barbecue, c'est une soirée dance underground. The bon, Dance Underground. Oui, c'est ça, c'est vraiment spécial. Ça a l'air d'être une soirée qui va être vraiment éclatée. Ça a été organisé par des artistes multidisciplinaires, dont Sébastien Dulude, qui est poète. Il y a entre autres Annie Pelletier aussi. Et c'est en collaboration avec Fontaine Le Riche, Martin Brosseau et Benoît Perrault. Donc, ça va être une soirée qu'on dit que ça va être éclatée visuellement, au niveau sonore et au niveau ambiance. Donc, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, mais j'ai croisé un des organisateurs et il m'a dit que ça allait être visuellement très, très beau. Donc, c'est quelque chose à voir, je pense. Dance Underground, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il va y avoir entre autres 6 DJ. Donc, j'imagine ça va être très diversifié et très, très intéressant. Bien sûr. Ça pique la curiosité. Ça, on ne se le cachera pas. Et si vous voulez y aller, c'est à l'atelier Silex, sur la rue Père Frédéric, au 1095 Père Frédéric, évidemment à Trois-Rivières. C'est 7$ en prévente pour le billet et 10$ à la porte. Et c'est de 9h le soir à 3h dans la nuit. Ouh! Caniche Barbecue, là, Caniche va veiller tard. Oui, si vous voulez plus d'informations sur Facebook, vous tapez Caniche Barbecue et il y a une page. Parfait. Sinon, ensuite, samedi, on a deux spectacles à vous conseiller. Celui de Phoenix in Flames avec Charles-André Lambert. Je ne sais pas si tu te rappelles du nom Charles-André Lambert. C'est lui qui animait le Dîner de con avec Danny Janvier la session passée. Donc, il est dans le groupe Phoenix in Flames. Et il y a le spectacle donc, qui va être aussi avec Living Crush. C'est samedi à 20h. C'est à l'Acrobar sur Saint-Georges, au centre-ville de Trois-Rivières. Très, très près d'ici. Soirée de rock mémorable avec deux bandes de la région, nous dit-on. Donc, Phoenix in Flames et Living Crush, samedi 20h à l'Acrobar. Ensuite, toujours samedi, à 21h cette fois-là, le show des Maléchés qui a lieu, c'est au Corsaire Microbrasserie de Lévis. Donc, groupe de la région, les Maléchés, on en parlait la semaine passée ou il y a deux semaines. On avait fait jouer de la musique de leur part aussi. C'est très bon, donc les Maléchés à Lévis. On peut pas jouer d'extrait de Phoenix in Flames parce qu'ils en ont pas encore, malheureusement. Oh. Dommage, ça. On termine mercredi prochain avec un spectacle d'improvisation pour Québec solidaire. C'est au Café-Bar Le Zénob à 21h, donc mercredi le 15 juin. Une terrasse de la bière et un spectacle d'improvisation audacieux. Alexandre Gauthier, Guillaume Chet-Janson, on les connaît très bien de différents événements d'improvisation. Même chose pour Rémi Francoeur et puis Marc-André Fortin. Ils présentent un spectacle d'improvisation unique qui n'aura lieu qu'une seule fois. Les catégories légères, idéales à écouter en gougoune. Ah. D'accord. Est-ce que les gougounes sont obligatoires? Ah. C'est la question qui se pose. Et est-ce qu'elles sont fournies? Les profits de la soirée seront versés à l'Association de Québec solidaire Trois-Rivières. D'ailleurs, le 5$ versé à la porte peut se transformer en carte de membre de Québec solidaire pour un an. C'est comme la magie. Brouh, magie. Oh. Carte de membre. Bon. Voilà donc improvisation pour Québec solidaire mercredi 21h le 15 juin au Café-Bar Zénob. Voilà. Hey Mathieu, j'ai quelque chose. Bon, je t'en ai parlé tantôt, OK? Oui. Je veux partager avec vous, les auditeurs, le sigle Google d'aujourd'hui. Oh. Bon, comme vous le savez, souvent Google remplace les lettres, son sigle normal avec les couleurs, par autre chose totalement. Si on se rappelle, dans les derniers mois, il y a eu entre autres une danseuse qui formait les lettres Google en faisant des mouvements. Il y a aussi un genre de sous-marin qu'on pouvait actionner, un petit levier pour tourner puis aller plus bas. Et aujourd'hui, c'est une guitare. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec la guitare, on peut faire de la musique. Joue-nous un petit peu. On peut de jouer guitare. De la musique. OK, je vous le fais entendre un petit 2 secondes. Là, c'est elle qui insistait à jouer elle-même. Sinon, je vous l'aurais fait entendre moi, mais écoutez-la avec son. Rapproche-toi. Je tiens à le faire jouer moi-même. Oui. C'est vraiment le fun, OK? Vous irez essayer ça. On écoute ça. Ah, que ça va être bon. Ah, alors, on peut jouer de la musique. Moi, je ne sais pas jouer de guitare ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment comme une guitare, mais allez essayer, c'est drôle. Tu as du talent. Tu peux jouer avec le clavier ou avec la souris. Oui. C'est une petite icône clavier, donc tu peux zigonner avec ça. C'est vraiment drôle. Google, ça dépasse à chaque fois. Et je pense qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de jours dans l'année où il n'y a pas un logo spécial pour Google tellement qu'il se force à faire ça. C'est mais c'est le fun. On adore ça. C'est comme ça. Bon. On va retourner à notre palmarès. On est rendu à la position numéro 18. On va entendre nos amis des Dorothées avec Dormir Seul sur l'album One Night Stand et Romance Cheap. Après ça, on ira en 17e place. Avec Taco Tsubo et Super Hero. C'est à la vie de croisière d'assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. Et on s'amuse sur notre petit bateau. Hein? C'est un gros bateau. Pas un petit bateau comme dans un bain. Là. Gros bateau. Est-ce qu'on écoute Dormir Seul? Oui. D'accord. Yeah.

Vanessa Pariétaire avec l'excellente pièce Comme une étoile dans l'océan. C'est en 16e position. Ça descend de 2 places sur leur maxi gratuit Canicule et ours polaires, disponible sur vanessapariétaire.com. C'est toujours la vie de croisière d'Assemblage requis. Et Marie-Pierre, tu veux nous parler d'un album de Beyrouth? Oui, Beyrouth, le groupe de Zach, comme, voyons, je le prononce un peu comme Gordon, il sort le 30 août. Donc, le nouvel album s'appelle The Riptide. Et si on se rappelle un peu le parcours de Beyrouth, bon, c'est un jeune homme d'à peu près une vingtaine d'années, début vingtaine, et son groupe de musique. Ils ont lancé plusieurs albums dans les dernières années, dont un album d'électro en 2009, qui était March of the Zapotec, Real People Holland. Donc, il avait travaillé avec d'autres orchestres. Avant ça, il avait lancé The Flying Club Cup en 2007, un EP, Long Gislam, et avant ça, Gulag Orchestra. Okay. Bon, si je vous parle un peu de la musique qu'ils vont faire, ce groupe-là, c'est un peu un mélange, bon, c'est indie, on se le cachera pas, mais il y a aussi un mélange de musique un peu du monde, ça fait un peu musique Europe de l'Est, okay. Un peu, c'est un gros mélange, c'est quelque chose qu'on entend rarement. Et pour vous donner une idée aussi de ce qu'il est capable de faire sur The Flying Club Cup, en 2007, il avait pris des extraits de films français qu'il avait intégrés à ses chansons. Et bon, il s'est inspiré de la musique française à travers tout ça. Et personnellement, si vous ne connaissez pas encore Beyrouth et que vous voulez avoir un aperçu un peu de ce qu'il peut faire, achetez Flying Club Cup. Moi, personnellement, c'est mon album préféré de Beyrouth. Et bon, si vous aimez ça, il va être à Montréal le 31 juillet pour Oshaga. Oh. Donc, si jamais vous avez de la piqûre ou si vous connaissez déjà Beyrouth, allez le voir en spectacle, ça vaut vraiment la peine. Je l'ai vu il y a 2 ans et c'est vraiment excellent. T'as vu la moitié d'un spectacle? J'ai vu la moitié d'un spectacle. Raconte-nous! C'était vraiment une bonne et une mauvaise expérience. Parce que bon, tu sais, tu demandes à ta boss de finir plus tôt pour aller voir un spectacle à Québec. Et j'habite à 2h30 à peu près de Québec. Mais bon, je monte en voiture, je vais chercher mon ami dans le coin de Shawinigan. On arrive à Québec et là, on arrive à la salle et il y avait une file. Il y avait des gens là, dehors, là, c'était fou. Il y en a jusqu'à Beyrouth. Mais on essaie de rentrer et là, bon, il y a un peu... Un costaud, là. Un costaud qui vient de dire, non, il n'y a plus de place, retournez-vous-en. Là, c'est comme décassé. Oui, personne ne va pouvoir rentrer. Pardon, je viens de me claquer 3 heures de route. Que là, je dis, non, on reste ici. T'sais. Puis là, il y a du monde qui s'en vont, t'sais. Bon, qui était juste curieux, qui ne le connaissait pas. Mm-hmm. Il y a un peu de gens qui partent. Le gars, il vient nous revoir, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a plus de place. Ça sert à rien d'attendre. Là, je suis comme, non, on reste ici. Finalement, c'est ça, on est rentré à moitié du spectacle, mais un spectacle excellent. Tout plein d'instruments, c'est super varié. Bon, c'est ça, un peu musique Europe de l'Est. C'est vraiment adorable. Donc, le prochain album de Beyrouth sort le 30 août. C'est de type de Riptide. Et on va aller écouter un extrait, Mathieu. Oui, on écoute East Harlem. C'est bien ça? Oui, c'est ça. East Harlem. Dans la vie de croisière d'Assemblage requis. Sur C'est fou. En direct de Trois-Rivières. Hein? Du bateau. Non, on n'est pas à Trois-Rivières, attends un peu. Je me pense à Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu racontes? On est où en bateau? Là? En croisière? Secret. Proche de Beyrouth. Est-ce qu'il y a de l'eau proche de Beyrouth? Je pense que oui. Géographie, nous, hein? Géographie. On devrait étudier avant de faire cette émission-là, je pense. Thank you. Beyrouth. C'était Beyrouth avec la chanson East Harlem. Et avant d'aller écouter une autre chanson de Beyrouth que je vous propose d'aller voir un vidéoclip sur YouTube. YouTube. C'est la chanson Elephant Gun. Et cette chanson-là est sortie sur son EP en 2007, Long Jocelyn. Et c'est un vidéoclip qui est vraiment... C'est une chanson qui est très longue, mais c'est un vidéoclip plein de couleurs. Il y a des gens avec des trompes d'éléphant attachées sur le nez. Il y a de la danse contemporaine à travers tout ça. Donc, visuellement, c'est super beau. Sérieusement, il faut que vous alliez voir ça. Obligatoire. Sur YouTube. Oui, c'est Elephant Gun. Okay. Mais ça va être super facile à trouver. C'est un très beau vidéo. Okay. Sinon, au pire, tu peux passer le lien sur la page Facebook. Hein? Oui, je vais le faire aussi. Bonne idée. Donc, on va aller entendre la chanson Clicquot de Beyrouth. Mais allez voir le vidéoclip. C'est beau ta prononciation. J'aime ça. C'est cute. Clicquot. Dans la vie de croisière, l'assemblage requis. C'est bien celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non. C'est proche d'être celle-là, mais c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. C'est ça? Attention. Oui, ah. Voilà. Ah! Chance mélodie. A plague in the workhouse, a plague on the poor. Now I'll beat on my drum till I'm dead. Yesterday fever, tomorrow St. Peter. I'll beat on my drum until then. What melody will lead my lover from his bed? What melody will see him in my arms again? Set fire to foundation and burn out the station. You'll never get nothing of mine. The pain of a window will flicker and billow. I won't leave a stitch in behind. But what melody will lead my lover from his bed? What melody à bord du SS Requis. Attention requin. assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, c'est comme si on s'était même pas laissé. Ça a été tellement court, une minute, une seconde, littéralement, le bloc de pub, qu'on est déjà de retour. Marie-Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'as envie d'apprendre des choses, t'abreuver d'informations inutiles? Oui, ça me plairait. D'accord, alors voici, c'est un fait. La chronique, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables, les 3 V. En fait, je pourrais faire comme je te montrais 3 doigts, mais je pourrais t'en montrer 4 parce que ça ferait comme vraiment 3 V. Ça fait vraiment 3 V. Ah, wow! Ma main, elle a 4 V dedans. C'est incroyable, ça. Incroyable. Mes os de doigts sont bien importants, mais mes os de pieds sont aussi très importants. Pourquoi, me demanderas-tu? Pourquoi, Mathieu? Parce que 25% de tes os sont dans tes pieds. Hein? Le corps humain contient, c'est l'accent trifluvien ici, contient 206 os au total, 26 sont localisés dans chaque pied et cheville, ce qui veut dire qu'il y a 52 os en tout dans tes pieds, ce qui est le quart de tous les os dans ton corps. Ces os-là contiennent 33 jointures par pied, donc 66 en tout, avec au-dessus d'une centaine de muscles, de tendons et de ligaments dans chaque pied aussi. Je savais pas ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais j'imagine c'est pour ça que des fois, les fractures de pied, ça se fait facilement. Là. Ah, ah, ah. J'imagine s'il y en a tant dans un pied, c'est qu'ils sont des très petits os. C'est ça, exactement. Savais-tu que ça prend un train plus d'un mille avant de s'arrêter complètement sur une voie ferrée, sur un rail? Selon le National Safety Council, un train moyen qui voyage à 55 000 à l'heure va continuer pendant 18 terrains de football, donc 1800 verges, 5400 pieds ou 1,02 000 après avoir appuyé sur le frein. Pour un train plus léger qui voyage à la même vitesse, donc 55 000 à l'heure, ça prend seulement 600 pieds pour arrêter. Et un train passager léger peut arrêter en seulement 200 pieds. OK. Eh bien. Tu sais, je me demandais pour les TGV, par exemple, en Europe, ça, c'est très populaire. Mais il me semble que ça freine assez rapidement. Oui, c'est ça. Mais le système est différent pour les TGV. C'est pas comme un rail normal. Allons-y avec des petits faits rapides. Il y a environ 20 000 mots dans les différentes œuvres de Shakespeare. 20 000 mots, ce qui est moins de la moitié du vocabulaire de la personne normale qui parle anglais couramment aujourd'hui en 2011. Donc, ça veut dire que les gens qui parlent en anglais ont 40 000 mots de vocabulaire en moyenne. Eh ben. Le Malta, qui est un pays, a voté pour légaliser le divorce. Maintenant, donc, les Philippines, c'est le seul pays du monde qui interdit toujours le divorce. Les Philippines, seul pays au monde qui interdit le divorce. Le seul pays au monde? Seul au monde. Eh ben, il y en avait deux, il y en a maintenant juste un. Le basketball, IMAX et Trivial Pursuit, c'est des arpeurs de pièges, sont toutes des inventions canadiennes. Donc, le basketball a été inventé en 1891. Vous avez sûrement vu les bandes, les petites publicités qu'on voit à la télé sur les chaînes, des fois, le moment du patrimoine, où le gars invente le basketball. Non. Tu sais, les petites affaires des acteurs connus. Non, t'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. En tout cas. Donc, le basketball en 1891, IMAX en 1970 et des arpents de piège en 1979. Ces inventions canadiennes. Il y a moins de 14 millions de personnes juives dans le monde. 14 millions. OK. Combien de sens as-tu? Dis-moi tes sens, lesquels que t'as? Les sens. Je dirais 5. OK. Lesquels? Donc, le toucher. Le toucher. Sentir avec l'odorat. Mmh. Oui. Mmh. Voir, la vue. La vue. Okay. Entendre. Oui. Et parler. Et le goût. Le goût. Le goût, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Non, en fait, t'en as 9. Au bon. Moins. Au okay. moins 9. Ben, c'est ça. Quoi mes autres que je ne connais pas? Exactement. Les autres, c'est la thermoception qui est sentir la chaleur ou l'absence de chaleur sur ta peau. L'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre, qui est déterminé par le liquide dans les cavités de l'oreille intérieure. La nociception, qui est la douleur. La proprioception, ou le body awareness, c'est être au courant de son propre corps. Dans le fond, avoir la connaissance consciente que les parties de ton corps sont où, tu sais où elles sont sans avoir à les regarder. Par exemple, tu fermes tes yeux, tu bouges ton orteil, tu sais ton orteil est où. Tu reconnais en général, ton corps. En général. Ça se passe bien dans ben, je sais pas si celui-là a rapport avec les amputés, des fois, quand ils perdent un membre. Ils ont l'impression que ça continue. Exactement, un membre fantôme. Je sais pas si ça a rapport avec ça, ça m'intéresse. Donc ça, c'est les quatre autres que ceux que tu avais mentionnés au début. Oui? Ça me donne l'impression que ça reste avec le toucher. Comme s'il était tout inclus dans ça, là, dans la conception qu'on se fait. J'avoue. mais je sais pas. Pas fou. Il y a des neurologistes. Est-ce que c'est neurologiste, neurologue, neurologue. Neurologue. Qui disent aussi qu'il y en a peut-être plus que 9. On se demande, on se pose des questions sur peut-être la faim et la soif. Qui seraient des choses, des zones grises qu'on aura peut-être à déterminer plus tard. Et peut-être que plus tard, on dira qu'on a 12 sens. Chaque. On ne sait pas. On sait pas. D'ailleurs, les 5 premiers, ceux qu'on a mentionnés au début, c'est Aristote qui les a proposés. Voilà. Ensuite, selon la section 8 du Code du drapeau américain, le US Flag Code, et je cite ici, le drapeau ne devrait pas être utilisé comme pour être porté sur son corps, voyons, comme drap sur un lit ou comme rideau. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui perdraient leur entreprise. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vendu assez et pas cher dans certains magasins, disons 1$. En 2004, une femme a essayé de payer une facture de 1675$ dans un Walmart de Géorgie avec un faux billet de 1 million de dollars avec une image de la Statue de la Liberté dessus. Un billet de 1 million. J'ai entendu un truc, c'est je pense que c'était un monsieur aux États-Unis qui était fâché puis est allé payer 100$ en scène noire. En scène noire. Mais ça, c'est une bonne idée. Mais il s'est fait refuser, je pense. Hein, il avait pas Je pense que oui, parce que c'est pas. Il les a déposés agressivement, ah, ce qui était écrit. C'est violent. Donc, oui, c'est violent. Beaucoup de sous noirs. La monnaie, ça peut faire mal. Selon AT&T, plus d'appels à frais virés sont faits lors du jour de la fête des pères que n'importe quel autre jour de l'année. Donc, les enfants appellent leur père à frais virés. Faut le faire, hein. C'est un peu cheap. On s'entend que c'est cheap. Bonjour, votre fils vous appelle et voulez-vous accepter les charges? Ouais. J'aime pas ça. C'est chic. C'est quand la fête des pères? C'est ça, en fin de semaine, ça? C'est bientôt. Bientôt? C'est pas passé, non? Non, c'est pas passé. OK, parce que j'ai rien fait, moi. Le vrai nom d'Hello Kitty, tu te rappelles Hello Kitty sur tous les sacs à dos, les sacoches? Oui. Les, ouais, t'as pas l'air d'être une fan d'Hello Kitty. Non, hein? Je suis pas très fan d'Hello Kitty. C'est pas très fée-fille. Pas très fée-fille. Ouais. Donc, son vrai nom, c'est Kitty White. OK. C'est à peu près ça. C'était le seul fait que j'avais là-dessus. Hudson's Bay Company. On connaît ça sous le nom de The Bay. Tu sais, la baie. Oui. La baie, c'est Hudson's Bay Company. Et HBC aussi, si tu vas chez Zellers. Premièrement, bienvenue en 1998. Mais quand tu vas chez Zellers, HBC, c'est Hudson's Bay Company. C'est la plus vieille compagnie commerciale de l'Amérique du Nord. Ça a été incorporé le 2 mai 1670 par le roi Charles II. Eh ben. D'avoir des coureurs des bois mêlés à tout ça. Probable. On va terminer avec un fait qui intéresse tout le monde, évidemment, parce que tout le monde, j'espère, en mange une par jour, les pierres à feu. Tu sais, les vitamines des pierres à feu. Non. Puis maintenant, d'accord. Je suis seul. Non, en fait, j'en mange pas. Betty, comment elle s'appelle en français? Elle a un nom, c'est... la femme d'Arthur en français. Ouais. Bertha. Celle qui a le gros... celle qui est habillée en bleu. Et voilà. Bertha. Donc, Bertha n'a pas été ajoutée aux vitamines des pierres à feu pendant 30 ans. Elle n'était pas dans la lignée des vitamines des pierres à feu. Donc, en 1960, le géant des vitamines Miles Laboratories a présenté ses CHOCKS, C-H-O-C-K-S, les premières multivitamines mâchables qui étaient ciblées directement aux enfants. Il faisait des publicités en stop motion avec des personnages que personne connaissait. Ça a changé en 1968, donc 8 ans plus tard, quand Mars a commencé à produire des vitamines en forme de la famille préhistorique préférée des États-Unis, les pierres à feu. Presque tous les personnages ont déjà été utilisés dans ces vitamines-là. Fred, Delima, Arthur, Pebbles, la petite fille, comment elle s'appelle? Je sais pas, mais... Il n'y avait pas le petit gars aussi? Oui, bam bam. Boum boum bam bam. Boum, boum. En tout cas, dépendant des langues. Dino. Et même le martien, le grand gazou. Une mission, par contre, comme on disait, c'était la femme d'Arthur ou de Barney, qui est Betty ou Bertha. Il y a eu un mouvement là, pour corriger cette injustice-là, vraiment des manifestations, je ne sais pas trop quoi. Il y a même un groupe rock qui s'appelait Betty's Not a Vitamin. Quand même. Donc, ils ont essayé de faire entrer ce personnage-là. Mais ensuite, Rosie O'Donnell, qui a pris le rôle dans les films, elle aussi a joint cette campagne-là et en a parlé beaucoup plus fort parce que c'est une vedette. Donc, ça a fini par marcher après avoir joué Betty dans les pierres à feu. Donc, ils ont décidé de mettre Betty dans les vitamines. Et puis, les gens devaient, en fait, même avant de le faire, ils ont demandé un vote numéro 1-800. Et il y avait des cabines genre téléphoniques presque dans les centres d'achat où les gens pouvaient voter s'ils voulaient que Bertha soit une vitamine. Et elle a fini par gagner avec 91% du vote. Elle a donc finalement remplacé. Qu'est-ce qu'elle a remplacé, tu penses? L'extraterrestre? Non, mais ça aurait été une bonne idée. Non, c'est la voiture, la Flintstone, la Flintmobile, qu'il appelle. Ah. Donc, plus de voiture dans les vitamines. C'était en décembre 1995 que ça s'est passé, ce changement-là. Intéressant, n'est-ce pas? Toujours au sujet des pierres à feu, et là, j'ai un support complètement auditif pour vous à vous présenter, si je peux finir par le trouver. Le compositeur de la trame sonore de Halo a aussi écrit le jingle pour les publicités des Flintstones dans le temps. Donc, on va aller entendre, c'est le même compositeur. C'est deux choses complètement différentes. On commence par le jingle, les pierres à feu. Only one children's vitamin comes complete with the great Flintstones taste and fun character shapes kids love. We are Flintstones kids, 10 million strong. Flintstones, with the vitamins and minerals kids need and the taste they love. Now that's what I call complete. Ah, oh. Oh, que c'est beau la petite chanson. Ça me donne le goût d'en remanger. Oui, hein? À tous les jours, c'est bon pour toi. Comme du yoga. Donc, le compositeur Martin O'Donnell, qui a fait cette chanson-là pour Les Pierres à Feu, a aussi fait la chanson thème de la trame sonore de Halo. Donc, on va écouter ça aussi. Bien pour vendre des vitamines, ça? Pas tellement, hein? Les chants grégoriens, je sais pas. Pas tout à fait certain. J'aime bien cette chanson-là et les autres chansons de Halo, de la trame sonore, sont extrêmement populaires, des succès sans fin. On va toujours se rappeler de ces chansons-là pour toujours. Les Flintstones aussi, mais je sais pas si on les faisait jouer en même temps avant, non? Je sais pas. Pas sûr, hein? Pas sûr que ça marcherait. Non, ça marche pas tant que ça. Non, j'aime pas ça. Donc voilà pour la chronique, c'est un fait. Il y aura une autre partie de fait tout à l'heure. Pour l'instant, on va retourner avec nos palmarès. On était rendu aux positions 15 et 14. Tout à l'heure, il va y avoir Martin Léon avec le Shack à Choc. Et tout de suite, on entend Christian Jacques avec le comptoir des viandes. Vous êtes dans la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est fou. Où les meutes postmodernes viennent pour y tripoter des pièces de viande bien ferme, une viande entourée d'amis, à peine de puberté sortie, me lance un constat de sagesse pendant que doucement le mire car l'étresse est dit. La vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas se surprendre. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. De frapper un os, une fille l'a pris pour un malade. Lui la voulait pour ses noces, elle seulement pour une balade. Le pauvre a viré un peu fou dans la rue, il a fait la roue, puis s'est réveillé dans une chambre portant une camisole blanche. Il me dit, la vie c'est une vraie boucherie, et je me suis encore fait prendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Dans le comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Venez manifester votre filet mignon d'intelligence. Il y a une belle brochette de personnel. Et que dire de la clientèle vous traitera comme de véritables morceaux de viande. Le dernier endroit branché où marine la déveine dans les parfums chers payés et tous de marque italienne. Toi dans le triangle amoureux, quelle coupe de viande te convient le mieux? Ton triangle passe au carré, la scie ou le couteau de boucher. Oh, hey. La vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas te reprendre.

Le Chat Kachok de Martin Léon en 14e position, ça monte de 6 places. Et avant ça, c'était Christian Jacques avec le comptoir des viandes. Christian Jack. Et le nom de son album, c'est Jurassic. Oui, Jurassic, c'est beau. De la viande de dinosaure, peut-être. Mm. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On en a une deuxième tantôt. Et on va recevoir notre ami Émilie Gauthier qui va être de retour enfin pour nous parler un petit peu de plein air. De quoi tu vas nous parler tantôt, Émilie? Je vais vous parler, ça va être un spécial sûrement en deux parties, parce que j'aurai sûrement pas le temps de tout vous en parler, mais ça va être un spécial passerelle suspendue, là, les parcs qui ont des grandes passerelles suspendues. Voilà. Aussi avoir Simon Fidibé avec sa chronique Le Scout des Internets. Marie-Pierre va ouvrir grande ses oreilles. Ouais, je vais essayer de devenir gay. Ben, mais c'est super. On dirait que je me force, puis doucement, hein? Ça y va lentement, mais sûrement. C'est contre nature un peu, c'est ça l'affaire, là. Essayer de changer une personne, c'est pas toujours facile. On sait tous ça. Donc, restez avec nous pour la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis au 89 FM, c'est fou. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Marie-Pierre Lafranche-Bourret. Et on est en croisière tout l'été, les jeudis entre 13h et 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Et notre destination aujourd'hui, on passe entre autres par Beyrouth, on l'a dit. Oui. On va aussi aller par... c'est quoi déjà la place? Tu sais, la place avec les choses, là? Tu sais, là? Puis les affaires, là? Les... Ah, je pense au Québec. Au Québec? Non, c'est peut-être trop proche. On a une croisière à payer par ses fous. Faut bien se rendre à quelque part. Ah, ben, on prend la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Bon, ouais, est-ce que c'est dans le coin de Beyrouth? Pas. Non, mais il n'y a rien qui nous en empêche d'y aller quand même. Non? On a le temps, on a 4 heures. Ouais. On a le temps de tout faire en 4 heures. Bon, avant de recevoir Émilie Gauthier officiellement avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi », on va y aller avec la position numéro 13. C'est Philippe B. avec l'été. L'été? L'été. C'est maintenant, ça? Oui. Et puis la pièce s'appelle l'été. Oui. Puis on la joue l'été. Oui. Tu parles d'une affaire. Passer l'été, le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray. Déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. Passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux enfermé. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses, et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. La ville avale le soleil. J'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. Philippe B avec l'été, position numéro 13, ça monte de 5 places du côté francophone et c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Oui, puis d'ailleurs, si vous aimez Philippe B, on l'a eu en entrevue, c'est il y a 2 semaines. Oui. Donc, si jamais vous voulez entendre l'entrevue, il y a toujours moyen d'aller l'écouter sur le site d'Assemblage Requis. Sur assemblagerequis.com. Oui. Oui. Maintenant, cessons les autopromotions, même si assemblagerequis.com est un excellent site, là, qui se retrouve sur Internet en passant. Sur Internet. Oui, assemblagerequis.com, tapez ça. On parle avec Émilie Gauthier à l'instant. Voici sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Émilie me disait qu'elle ne sait plus comment faire de la radio étant donné que ça fait si longtemps que ça. Donc, ça, c'est un micro. OK. OK. Tu parles au centre. Dedans, comme ça. Très près du micro. OK. Avec du tonus. OK. Hey, wow, wow, là. Je suis prête. Oui, bon. aujourd'hui, tu nous parles de quoi? De ponts suspendus. Ben c'est des passerelles suspendues. Il y a des sentiers là, qui sont réputés pour les passerelles suspendues. Justement, c'est un peu un article dans la. Je vous en avais déjà parlé, la revue Marche Randonnée qui est faite par. Par la société, là je me suis dit, hey, j'ai perdu le nom, ça va bien. Ça commence très bien aujourd'hui. La société de marche. Oui, mais il y a un nom pour ça. C'est la. Voyons. La long. C'est ça. Je vais vous en reparler. Mais c'est quoi le nom du magazine? C'est Marche Randonnée. Okay. C'est l'association des marcheurs de randonnée. Et où est-ce qu'on peut le trouver si jamais on. Ben moi je l'ai pris chez Clément Morin, sinon il se trouve quand même un peu partout là. Marchez un peu et je suis certain que vous le trouviez. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc tu vas faire le tour de différentes régions touristiques. La Fédération québécoise de la marche. Bon. Voilà. La FQM. Exactement. La FQM. Mais c'est la FQ marche. Ah. .qc.ca. Ah. Voilà. Bon. Moi aussi, je fais de la semi-autopromotion. Ouais, c'est ça. Mais pas pour toi. Non, pas pour moi. Il y en a qui ont de l'ego, il y en a qui n'en ont pas. T'sais. C'est ça. Bon, dans le fond, l'article, si vous voulez aller chercher la revue, l'article se trouve en page 31. C'est séparé en régions touristiques. Donc, on a un site de passerelle suspendue par région touristique. Je vais séparer, je reviendrai la semaine prochaine en parler un peu parce qu'il y a quand même 11 destinations. Donc, je vais vous en faire 6 aujourd'hui, 5 la semaine prochaine. Donc, je vous annonce que je reviens la semaine prochaine. On est déjà heureux. Yeah. Donc, je vais commencer par Québec. Voilà, la région de Québec. Un des parcs, c'est le Canyon Sainte-Anne. Il surplonge 74 mètres de cascade. Voilà. Il y a des sentiers dans le bas de la cascade et dans le haut. Dans le haut étant la passerelle suspendue. Mm-hmm. Sinon, il y a des sentiers dans le bas. Il y a 3 passerelles, dans le fond, suspendues qui permettent d'aller d'une rive à l'autre. La première se situe en haut de la chute, la deuxième à plus de 55 mètres au-dessus d'un gouffre et la troisième au fond de la gorge. Allez hop, cascade, hein? Allez hop, cascade. C'est un slogan de quelque chose. C'était avec Annie Pelletier. C'était une émission de sport. Non, ça, c'était La vie est un. Le sport est un monde dangereux. Le sport est une affaire dangereuse. La vie est un sport dangereux. C'est ça, celle-là. Ouais. Le troisième. Mais ça ne disait pas Allez hop, cascade dans le sport. Peut-être. Mais Émilie, ça, dans le fond, c'est sur quel site? C'est quoi le. C'est le Canyon Saint-Anne. Le Canyon Saint-Anne? Oui, c'est ça. Au printemps, on n'est plus vraiment au printemps, quoique la neige fondue et les cascades qui gonflent se transforment en chute. Je crois que c'est un phénomène assez répandu ces temps-ci encore au Québec. Donc, il doit y avoir des chutes quand même impressionnantes à aller observer. L'eau emprunte un passage qu'elle prend juste en période de crue. Donc, ça doit être encore, j'imagine, ça doit être encore observable. L'après-midi, quand il fait soleil, là, on peut voir des arcs-en-ciel qui apparaissent à cause des gouttelettes, des chutes. C'est-tu pas assez beau? Et puis, après la promenade d'un sentier, on peut jouer à des jeux d'énigmes ou faire une activité d'aventure. Donc, ça donne pas un gros réseau de sentiers pédestres. Là. C'est quand même juste 3 km, mais je pense que pour une journée, on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant avec ça. De Québec, là, l'entrée se situe à quelques kilomètres après la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Okay. C'est pas très compliqué de se rendre. Pour plus d'informations, www.canyonsa.qc.ca. Canyon au singulier. S-A pour Saint-Anne. C-A-N-Y-O-N. C'est ça? Exactement. Ouais. S-A.QC.C. Bon. Après ça, on va se diriger vers l'Outaouais, qui est un peu à l'autre bout du Québec. Ça s'appelle le Parc national de Plaisance. C'est un parc qui accueille beaucoup de visiteurs qui viennent observer les 100 000 bernaches du Canada en session. En période migratoire. Et bernache. Ouais. Silence inconfortable. Le petit criquet. Ouais. On n'a pas de machine à son ici, malheureusement. Non, il me faudrait ça. Tu sais, c'est comme dans tout le monde en parle. Là. Oui, oui. Son petit clavier petit avec des sons. Là. Il me faudrait ça. Ou sur Google, on pourrait faire jouer de la guitare au logo de Google. Encore? J'aimerais ça. C'est situé en bordure de la rivière des Outaouais. Le parc compte beaucoup de baies, des étangs, des marécages. Donc, c'est quasiment... Ça doit être plein de moustiques à ce temps-ci aussi, quand c'est humide comme aujourd'hui. Donc, on essaie d'y aller des journées peut-être un peu plus fraîches. Portez vos petits bracelets de citronnelle. Ouf. Ils vendent ça, tu sais. Je doute. Ouais. Bon, il y a des îles, il y a des presqu'îles, il y a des milieux variés qui favorisent l'observation de la nature. Donc, pour ceux peut-être qui veulent plus observer que marcher, je pense que ça peut être... Quoique c'est quand même 42 km de sentier. Les 2/3 des sentiers sont multifonctionnels, donc pour les marcheurs, tous de niveau facile. Donc, vraiment tout le monde qui peut y accéder. Il y a un sentier qui s'appelle la Zizanie des Marais. C'est un sentier qui est exclusivement pédestre. C'est un des plus populaires. C'est une boucle de 1 km qui a un long trottoir flottant qui permet d'observer la faune et la flore des marais. Et puis... Un trottoir flottant? Oui. Ben, c'est semi-passerelle. Dans le fond, c'est juste un trottoir qui est attaché d'une façon comme un pont, mais tu sais, c'est pas une passerelle. C'est pas surélevé, c'est juste... Ouais, c'est ça. C'est pas une passerelle, parce qu'une passerelle, tu marches puis tu t'en rends compte parce que ça bouge, mais c'est plus comme un trottoir suspendu, si tu veux. OK. Il y a un autre trottoir flottant qui s'appelle le Carouge, qui permet... qui est, dans le fond, un parcours linéaire de 1,5 km aller-retour. Il y a un autre qui s'appelle Les Baies, qui est un sentier pédestre linéaire où est-ce que là, il y a une petite passerelle suspendue qui est autre chose qu'un trottoir. Et puis, tant qu'à voir le parc, c'est aussi commencé par le centre de découverte où est-ce qu'il y a des renseignements et des suggestions là, au début du parc national de Plaisance. Donc, comme je disais, c'est 42 km. C'est la route 148. C'est la route pour se rendre en Outaouais. Donc, on suit les indications pour Plaisance et puis Parc national, habituellement, sont assez bien indiqués. Mm-hmm. Si vous voulez plus d'informations, c'est sûr que c'est parcquebec.com pour en savoir un peu plus. Parfait. Ça a l'air le fun. Mm-hmm. Oui, hein? Moi aussi, ça me tente. Ah. Je le lisais et j'étais comme, je pourrais aller là. Oh, non, j'ai plus le temps, là, ça marche pas. Après ça, on s'en va en Montérégie. Bon, je sais pas si ces temps-ci, si c'est vraiment accessible. D'après moi, la crue des eaux n'a pas dû les affecter parce que le pont est quand même assez haut. Mais c'est au niveau des sentiers, s'ils ont été inondés, ça, je pourrais pas vous le dire. C'est vraiment un très, très grand espace naturel qui est assez près de la ville. Donc, on est quand même assez surpris de voir que c'est autant dans la nature. C'est un univers d'îles, de chenaux, de marais, de marécages, de champs, de boisés, de fonds, de fleurs. Vraiment très, très varié. Au printemps, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'oiseaux avec la floraison des fleurs, mais il y en a un petit peu moins. Sinon, marcher, là, c'est vraiment une... C'est vraiment un beau parc qui offre une variété de sentiers accessibles à tous. Donc, on a un peu de facile, un peu d'intermédiaire. C'est sur l'île Sainte-Marguerite que se trouve la passerelle suspendue qu'on peut atteindre avec plusieurs sentiers. Là, c'est pas avec un seul sentier qu'on peut s'y rendre. Elle donne une très belle vue sur le chenal Petite Rivière qui grouille de vie au niveau de sa fonde. Flown on the floor. Je me souviens tellement de ça. On avait fait une blague, à un moment donné, elle s'était trompée, elle avait dit « Flown on the phone », et puis ben, j'avais dit que c'était le prochain succès de Jay-Z, genre. Ouais, « Flown on the floor », puis on se disait que Mathieu, il pourrait rapper en arrière. C'est ça. Ouais, avec Jay-Z. Beau souvenir. Ouais. Donc, ça, c'est un petit point à remarquer. Je sais pas si ça peut en attirer, mais certains jours, on peut voir les poissons frayés. Oh! Voilà. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'était un point important. C'est quand même 31 km de sentier, donc encore là, on en a pour tous les goûts. Est-ce que c'est gratuit? Ça, c'était pas écrit dans l'article. Ah, moi, d'habitude, okay. Quand je fais mes recherches, mais là, j'ai un peu appelé à la dernière minute pour venir faire mon article, mais j'essaierai pour la semaine prochaine des autres endroits de le dire. Mais habituellement, tu sais, Parc Canada, c'est 7 $ l'entrée. Là. Ah, okay. C'est jamais vraiment plus cher que ça. Des fois, t'as des frais de 2-3 $ pour ton stationnement, mais... Okay, mais 5 dans une auto, puis t'as une auto à faire payer. Donc, habituellement, c'est pas super dispendieux. Une belle sortie. Oui, c'est ça. De l'autoroute 25, on prend le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, puis on se dirige vers l'hôtel Le Gouverneur. Pendant qu'il y a encore des voies à emprunter sur, dans le tunnel. Ce qui paraît qu'ils vont fermer les voies pour le... Je sais pas, mais c'est tellement... Ouais, ouais. Je suis passée par là... Puis c'est un tunnel qui mérite peut-être un petit... Il fait peur, hein? Il est effrayant. J'étais comme ça, va me tomber dessus. J'étais en train de passer en dessous du fleuve. Mm-hmm. Voilà. Sinon, parquebec.com encore. Donc, c'est sûr, Parc Québec, Parc Canada, je mélange toujours les prix. Il y en a un qui c'est 3,50 $ par personne. L'autre, c'est 8, 7 ou 8. Donc, à la limite, le plus que ça peut te coûter, c'est 8 $ pour une personne. Donc, c'est pas très, très dispendieux. Après ça, on s'en va en Mauricie. On va revenir ici. Hey. Hey, on va en parler un peu. Le parc des Chutes Saint-Ursule, j'en avais déjà parlé, mais on va en parler un peu aussi avec son pont suspendu. Dans le fond, c'est un territoire là, qui est vraiment bien partagé, on le sait ici, là, entre le Bouclier et les Basses-Terres du Saint-Laurent. Donc, on a quand même des très beaux paysages. C'est la rivière Masquinongé qui est présente dans le parc des Chutes, qui a une dénivellation quand même de 70 mètres. Donc, ça fait vraiment... bel effet au niveau des chutes. En plus des 4 chutes qu'on peut voir toute l'année, il y en a 3 autres qui s'ajoutent en période de crue printanière. Je ne sais pas si on était très, très affecté ici avec le niveau du... Je sais que le lac Saint-Pierre était quand même oui, très, il était très, très élevé. Très haut, le lac Saint-Pierre. Puis l'autoroute, il y avait des champs inondés. Là. Ouais. Inondés. Rien d'autre à dire de plus. Je ne sais pas, parce que le parc des chutes est un peu plus haut, donc je ne sais pas si on était affecté, mais j'imagine qu'il y a quand même des chutes qui se sont créées grâce ou à cause, là, on peut voir selon. C'est sans compter aussi toutes les cascades qu'il y a. Donc, les sentiers pédestres sont aménagés des deux côtés de la rivière qui offrent plusieurs points de vue. De la passerelle suspendue, on peut regarder l'eau qui passe quand même assez rapidement sous le pont. Dans un autre secteur du parc, il y a une tour d'observation de 16 mètres qui surplombe les chutes et donne une vue d'ensemble. Il y a aussi les vestiges d'une pulperie. C'est quoi une pulperie? Ah, pulpe de pâte à papier? Je sais pas. Ça doit être ça. Ben oui. Ça doit pas avoir rapport avec les oranges. Ben, si tu me demandes, c'est-tu un centre de tri de pulpe d'orange? Je ne crois pas. C'est là que quand ils jettent dans les vieilles, ils se finissent tout là-bas puis ils les remettent dans d'autres jus après. Oh. Okay. Ça me donne moins le goût, ça. Oui, un peu. Dans le fond, qui a fermé en 1907, donc ça peut être des vestiges qui sont intéressants à visiter. Il y a beaucoup de phénomènes géologiques et géomorphiques dans les milieux humides de la forêt. Il y a aussi un endroit pour pique-niquer, un petit restaurant, Mathieu, un petit restaurant, yeah. Et des chalets qu'on peut louer. Assez quand même m'atteindre. Oui, je sais. C'est pour ça que j'avais fait une chronique cabane à sucre pour toi. Oui, je sais. J'ai apprécié. Donc, c'est 5 km de sentier de Louisville. Là, c'est environ une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est www.chute-ste-ursule.com. Ouais, une belle adresse. Hein? On aime ça, des belles adresses comme ça, Mathieu Pouel. Ouais. Comment tu m'as appelé? Mathieu et moi. OK, j'ai entendu Mathieu Pouel. Je sais pas, ça n'a pas rapport. Ouais. Ouais, c'est ça. Il nous en reste combien? Il nous en reste deux. D'accord. T'étais out? Non. J'aime ça, nos petites blagues. De pulpe. De pulpe, c'est ça. Oui, c'est ça. Après ça, on s'en va dans la Naudière, qui est quand même pas bien loin non plus. Est-ce que tu viens de la Naudière? Oui, je viens de la Naudière. C'est pour ça que tu es si contente. Attends, faut que je ressorte ma blague. Elle vient de la Naudière. Moi, je viens de où? L'anneau de demain! D'aujourd'hui. Oh. De demain. Donc, on dit. T'aurais pu dire l'anneau d'aujourd'hui? Ouais. Je peux-tu choisir mes blagues moi-même? Je t'appelais madame? Non. OK. Pas quand je suis là. OK, chef. Non, c'est une blague. Ben oui. Ben d'abord, le parc régional de la forêt Ouaro, ça doit te dire quelque chose. Oui. Oui, bon, parfait. Donc, je vais dire des choses, puis si je me trompe, tu me corrigeras, puis si tu as des expériences personnelles, tu rajouteras ça à la fin. Okay. Je pense pas qu'on va se rendre là. Ouais. Ah, OK. Bon, d'accord. Force-toi. Elle invente des histoires, là, des péripéties qui te sont arrivées là-bas. C'est plusieurs. Dans le fond, le parc a une superficie de 160 km², donc c'est un très, très grand terrain de jeu. Il y a un réseau de sentiers d'une centaine de kilomètres cumulés, mais en tout, ça donne quand même juste 73 kilomètres, mais bien, on comprend. C'est près des trois quarts servent à la randonnée pédestre. Il y a une promenade plus sur le bord de l'eau jusqu'à un parcours sportif en montagne. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Le parc tient son nom, évidemment, de la rivière Ouaro qui le traverse, qui prend sa source dans le lac Ouaro qui se jette dans la rivière L'Assomption. Jusqu'à là, tu me suis? L'arbre est dans ses feuilles, Marion Lourdes. C'est à peu près ça. Le sentier du murmure est accessible et admissible. C'est comme ça. Le sentier du murmure. Il y a le certificat du randonneur émérite. Ah oui? Voilà. Bon. C'est ça. Qui longe la rivière Ouaro sur 6 km. C'est à la jonction de ce sentier-là et du sentier massif que se trouve la passerelle suspendue au-dessus de la rivière. C'est quand même assez long. Une bonne passerelle suspendue. Le point de vue est vraiment très beau. Quand il fait soleil, ça fait un petit peu encore un arc-en-ciel. Sinon, la rivière est très scintillante. Et puis, le parc se prête très bien au pique-nique et au camping. Donc, c'est 73 km de sentier. www.matawini.com .org. Matawini, M-A-T-A-W-I-N-I, non? I-I-E. Ah, c'est proche. C'est proche. Ouais. .org. Pour se rendre, on prend les indications là, pour le pont suspendu de la route 125. Non? Non. OK. Mais sinon, il y a des indications pour la forêt Ouaro qui sont annoncées. Voilà. Et puis, le dernier pour aujourd'hui, on va se rendre en Gaspésie. On se rend loin. La semaine prochaine, on va se rendre en Abitibi. Donc, on se promène. Ça sert à ça, l'été aussi, se promener. Ouais. Exactement, c'est pour ça que je donne des suggestions. Si vous dites, Sam, j'irais faire un tour en Abitibi, ben, je vais vous donner une suggestion la semaine prochaine. Fait qu'attendez, puis allez-y après. Là, cette semaine, il faut aller en Gaspésie. Ça, je vais vous en parler. Bon. Suivez ces instructions et vous allez finir au bon endroit. C'est ça. Le sentier du Mont Pointu, c'est un lieu qui est divisé en deux parcours. Il y a un des deux qui monte en haut du Mont Pointu et l'autre qui suit la rivière Sainte-Anne. Celui qui monte, qui suit la rivière Sainte-Anne s'appelle le Sentier de la rivière. On est dans l'originalité ici. Qui compte quand même 10 passerelles, dont 2 sont des passerelles suspendues. On accède au Sentier Sainte-Anne-des-Monts à partir de la plage Cartier. J'imagine qu'en Gaspésie, on sait si où la plage Cartier. Au départ, il y a une tour d'observation qui donne un bel aperçu des environs. Il y a un trottoir de bois qui est bordé par la rivière d'un côté et par des jeux et des aménagements de sport de l'autre côté. Donc, c'est vraiment pas juste pour ceux qui ont le goût d'aller marcher dans le bois. Les amateurs de marche en soirée aussi vont apprécier cette portion qui est éclairée après le coucher du soleil. Donc, c'est le fun. Il me semble que tu te dis « Ah, je peux juste aller marcher quand il fait chaud dehors. » Mais non, il y a moyen d'aller prendre une marche un peu plus en soirée. Donc, ça peut être intéressant, à part peut-être pour les moustiques, mais il y a toujours des options. Mathieu a trouvé la solution du petit bracelet citronnelle. Ben oui. Oui, qui fonctionne pas du tout. J'imagine, hein? Faites le test. Ça marche toujours mieux que de transporter une lampe à côté. Puis... Ouais. Non, ça... Non? Du push-push, c'est mieux. C'est plus dégueu, mais c'est plus efficace. Tu nous feras une chronique sur les comment éloigner les moustiques de la meilleure façon. Défi. On en reparle. Ouais. Pas. Au bout du trottoir, là, avec la portion aménagée, le sentier devient un peu plus sauvage, puis il devient une terre battue à travers les bois. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués de marcher sur des terrains un peu plus... pas endommagé, mais un peu plus difficile, c'est peut-être pas le sentier à prendre. Sinon, il y a plusieurs points de vue qui donnent sur la rivière et sur les 10 passerelles qui sont, point important, joliment peintes en vert. Ah, wow! Voilà. Une chance qu'ils l'ont dit, ça va convaincre tout le monde d'y aller. Une chance! Les passerelles qui sont suspendues ont rien de super haut, mais c'est l'effet sautillant. Parce qu'une passerelle suspendue, c'est quand même juste tenue par des cordes. Ouais. Donc, si tu sautes un peu trop, c'est sûr que la passerelle au complet bouge. Ah, faut pas avoir trop le vertige, je vous avertis. Le sentier au bout aboutit au relais du vieux moulin. Pour aller sur le Mont Pointu, il faut continuer sur la route de terre quelques kilomètres. Donc, c'est sûr, il faut être quand même bien chaussé. On y va pas en gougoune et prendre un chemin forestier plutôt chaotique. Donc, pour se rendre en haut, il faut être bien chaussé. C'est 12,4 km en tout. À partir de Sainte-Anne-des-Monts, là, on continue vers la Gaspésie, sur le bord du Saint-Laurent, jusqu'à l'embouchure de la rivière Sainte-Anne. On arrive. C'est ça qui est indiqué. Superbe. Donc, renseignement. Oh, tu vas l'aimer, Mathieu. J'ai quasiment le goût de te laisser dire celle-là. Il va falloir que tu me pointes. Ici, là. OK. L'adresse. Colin. Ville Sainte au complet, trait d'union Anne, trait d'union D, trait d'union mont.qc.ca, /html, /parc.php. Hein? Ville Sainte au complet, trait d'union Anne, trait d'union D, trait d'union mont.qc.ca. Le reste, vous irez cliquer sur parc. Je suis pas mal sûr que ça va se rendre. Pas besoin d'écrire l'adresse au complet quand il y a une page qui s'appelle Parc. Là. Tu cliques sur Parc, tu dis bouton Parc. Ouais. Le lien Parc. Puis à la limite, sinon, il va toujours avoir le lien au complet dans la revue. Sinon, chez Clément Morin, vous pouvez consulter les revues sans nécessairement les acheter. Donc, si vous voulez juste aller lire l'article, là, c'était... Apportez votre portable et puis ouais. On rappelle ça. Le nom de la revue? Oui, c'est la revue Marche randonnée, faite par la Fédération québécoise de marche du Québec. Ben, québécois. Ça, c'est fqmarche.qc.ca. C'est ça, c'est de la page 31 à 34. Et tu vas nous faire la suite avec les 5 dernières la semaine prochaine. Oui, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Canton-de-l'Est, Charlevoix et Chaudière-Appalaches. Parfait. Est-ce que tu restes avec nous? Un petit peu? Je vais rester un petit peu. D'accord, on va écouter White Knuckles d'OK Go. Et après ça, j'ai une petite question pour Émilie. Oh. Question d'affaires... De choses de plein air, de sport. Tu sais, moi, j'en ai des questions de même. Il y en a au moins dans ma tête, au moins facilement une, au moins. Moi, j'essaie d'être geek, toi, t'essaies de devenir sportif. C'est ça. On est tous les deux au même niveau. On part de très, très loin. White Knuckles, OK, go. good night. Everybody needs a crutch, but couldn't good be good enough? Cause nothing ever doesn't change, but nothing changes much. White Knuckles, d'OK Go, Assemblage requis. C'est la vie de croisière d'Assemblage requis. Toujours avec Marie-Pierre Laforge-Bourret, Émilie Gauthier. Mathieu Plante. Chose de l'autre, là, le gars. Là. Le gars qui parle. Le gars qui parle entre les deux autres filles. En fait, triangle ici, complètement. Triangle. Comme un triangle. Comme un triangle rectangle. Ah, d'accord. Donc, Émilie, petite question sport. Je t'ai dit, moi, ça sort de ma tête, là, ça me vient, des questions que de sport. J'ai peur, puis ça se peut, je ne suis pas capable de répondre. Ben, peut-être, mais je me dis que peut-être que tu connaissais, étant donné que tu travailles dans un marché, magasin grande surface à tendance sport et plein air et autres. Là. Ouais, ouais. Cette place-là. Tu connais les Five Toes? Oui. Ouais. On n'en a pas, mais je sais c'est quoi. C'est quoi? Pourquoi ça existe, sais-tu? Je sais pas. C'est comme des souliers, ça ressemble à des genres de nageoires. Les boys orteils, là, c'est ça? Oui. C'est comme des boys orteils, sauf que c'est un soulier avec une semelle de caoutchouc. C'est ça? Mais c'est séparé dans tes orteils, là. C'est vraiment chaque orteil rentre dans chaque trou d'orteil. Là. Tu choisis pour ta grandeur, et là, t'as comme une strap genre de rubber, une bande de caoutchouc. Hein? T'attaches ça, et puis c'est supposé te rapprocher de la terre, genre. En voir... vrai, ça écœure, juste à penser d'avoir comme. Bizarre. Des trucs de caoutchouc entre tes orteils, là. Pas sûr. C'est censé comme aider à stabiliser ton corps parce qu'il n'y a pas de... Il y a de plus en plus, je sais que... Je ne mets pas de marque, là, mais il y a beaucoup de marques là, qui sont en train de faire des souliers où est-ce qu'il y a moins de semelles parce que ça va aider ton corps à chercher sa stabilité lui-même. Okay. Tant qu'à avoir une grosse semelle, quelque chose. Okay. Mais les Five Toes, je te dirais pas trop sûr de ce que c'est. Mais non, j'ai c'est déjà ça. Des clients qui sont venus, puis j'étais comme, pourquoi vous l'avez acheté? Il y en avait dans les pieds. Ah ouais. Pis c'est juste très confortable, puis t'as l'impression de marcher nu-pied. C'est comme des Crocs, mais encore plus minces, finalement. Ah, oh, c'est même pas comparable. Non. Non. Parce que je sais pas, il me semble les souliers dans la vie, on me dit tout le temps quand on me conseille comment prendre des souliers, parce que bon, je porte des orthèses, etc. Et puis on me dit tout le temps, genre, il faut que ton pied soit surélevé, il faut vraiment que tu aies quelque chose en dessous du pied, il faut que ta semelle en arrière soit vraiment épaisse, etc. Il y a plein de choses comme ça que les podiatres, ça, recommandent. Et ça, c'est comme à l'encontre de tout ça, non? Ouais, je sais. Je serais pas une bonne vendeuse pour t'en vendre. Non, parce c'est que ça. Tu y crois pas, toi non plus. Ben, je sais pas que j'y crois pas, mais j'ai pas été formée pour ça, puis je n'ai pas vendu. Je connais quelqu'un, vas-y. Quand t'as porté ça, tu marches nu-pied ou, tu sais, je sais pas. Ben, c'est comme. C'est vraiment un bas orteil, sauf plus solide. Tu sais, c'est comme. Il y a comme un enduit, un style caoutchouc, là. Ouais, parce que j'imagine que si tu marches sur quelque chose de coupant, à un moment donné, tu vas le savoir dans le pied pas mal, là, si t'as pas la protection pour. Ouais. Ben, c'est je sais pas si c'est un habit genre de néoprène, là, tu sais, un wetsuit un peu, là, le genre de tissu semi-flexible que c'est. C'est un peu ça, puis en dessous, il y a un genre dans... Comme s'il l'avait trempé un peu dans du caoutchouc pour le dessous. C'est pour te décrire, là, mais tu peux peut-être aller voir sur Internet qu'est-ce que ça a l'air. C'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai entendu. C'est surprenant comme look, je trouve. Non, c'est que j'ai lu un article sur quelqu'un que je connais qui portait ça, qui est allé faire du jogging avec. Et apparemment, pour quelqu'un qui pèse plus que je crois, et là, je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est plus de 170 livres, si tu fais une activité qui a un poids... Genre qu'il faut vraiment que tu pèses sur ton pied, ça va vraiment l'endommager. Puis justement, mais c'est comme défaite le dos complètement. Ouais. Fait que n'utilisez pas ça pour courir, mettons. Peut-être juste pour marcher un peu, mais pas trop. Est-ce que t'en as trouvé? Oui, c'est très drôle. C'est laid, hein? ça a l'air vraiment d'un bas orteil, mais plus solide. Vous pouvez aller voir sur... Ben, t'as écrit quoi? Five Toes Shoes. Ouais, faut aller voir, là. C'est vraiment laid. On dirait des genres de pieds de canard, je sais pas, version ben, c'est humaine. Comme si tu mettais ton pied dans le pied de quelqu'un d'autre. Hey, ouais, ça ressemble à ça. Marie-Pierre, t'es sur Google Images, enlève shoes, tape juste Five Toes. Parce que la deuxième image, c'est un enfant qui a 8 orteils par pied, je trouve ça vraiment le fun. Qu'il a 16 orteils. On dirait, je suis pas sûr. Il peut pas porter un 5 toes, il faut un 8 toes. Ben, moi, en fait... Oui. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai comme trois orteils qui sont semi-palmés, genre qui sont pas séparés au complet. Fait que je peux même pas en mettre, moi, de ça. Ah, pour toi. J'étais triste quand c'était à mode des bas orteils parce que je pouvais pas en mettre. Oh. C'est juste dans un pied. Non, mais mes deux pieds. Les deux? Les deux pieds, la deuxième puis troisième orteil qui sont comme collés. OK. Pas ton gros orteil, genre les deux suivants. Non, les deux à côté. Je pouvais pas mettre de bas orteil. Ouais. Donc, je pourrais même pas te dire, je vais essayer ça puis je t'en reparle. Je peux pas. De toute façon, t'essaieras de trouver des five toes à ta grandeur de pied. Effectivement. Mais les personnes m'avaient dit, c'est le fun, tu sais, quand tu veux marcher, tu te sens vraiment, tu as l'impression de marcher nu-pied. Mm-hmm. On s'entend que l'été, on aime ça marcher nu-pied en gazon. En tout cas, il y a pas grand monde qui aime pas ça. Donc, c'est sûr, je recommande pas ça pour aller marcher non plus. Pour aller courir et marcher des heures et des heures, mais ça doit être quand même une bonne chaussure là, si on est capable de stabiliser nos pieds. Mais c'est sûr que des chaussures pas de talons, justement pas d'arche, comme tu parlais, tu portes pas ça du jour au lendemain, là, des heures et des heures. Là, tu portes progressivement, puis c'est de l'adaptation, comme du monde qui a tout le temps porté des gougounes puis qui vont chercher les bonnes chaussures de marche. C'est sûr que l'arche, ils vont la sentir, fait que tu portes pas ça. Si tu sais que tu t'en vas en voyage deux semaines, ben t'apportes graduellement ta paire de souliers, t'apportes 2-3 heures par jour pour habituer ton pied. D'accord. C'est ce que je peux répondre à ta question, mais je sais même pas c'est quelle marque qui fait ça, je te dirais. Je sais pas. Puis ça doit être une marque que je connais et que je vends, mais je peux même pas te dire là. Il y a des Vibram Five Fingers. C'est le premier résultat quand tu tapes Five Toes. Mais Vibram, c'est une marque de semelle. Donc peut-être qu'ils ont décidé de se lancer. Dans le fond, c'est une semelle ça avec un peu de néoprène. Mm-hmm. Donc oui, ça c'est très oui. En tout cas, je recommande. Moi, je recommande pas tant. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc, si vous en voulez, informez-vous vraiment à votre vendeur avant d'en acheter. Là, moi, je suis pas vendue à ça, donc c'est sûr que j'aurai un petit peu de la misère à en faire la vente. Bon. Et quand tu auras envie, tu iras te faire, je sais pas si tu as vu sur Internet, le tatou pour les personnes qui ont les orteils un petit peu palmés. Genre la petite ligne pointée avec le ciseau. Oui, drôle. Je l'ai vu. J'y ai pensé, mais... Ouais. Bon. Je sais pas. Merci, Mi. Ben, ça fait plaisir. Alors, on va continuer avec un petit peu de palmarès. Pour l'instant, on est dû, je pense, avant de recevoir Simon Fitzbit, tantôt avec sa chronique Le Scout des Internets. On va avoir les positions 12 et 11. Suivra tout à l'heure Kid Sentiment avec Nos Insomnies. Et juste avant, on va entendre Jean-Philippe avec Embarque ma belle. Vous êtes dans la vie de croisière d'assemblage requis. Caroline, Embarque ma belle. Ça fit avec le thème, hein, je pense. Embarque sur le bateau, chose. Oui, non. We'll be right back. Vous écoutez La vie de croisière d'Assemblage requis sur C'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'Assemblage requis en compagnie de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et de Mathieu Plante. Et voilà. De quoi tu nous parles, Marie-Pierre? Je vous parle d'une sortie qui se trouve dans le bout de Pointe-Calumet. Donc, je parle d'une sortie de glissade d'eau. Oh! Oui, parce que, bon, évidemment, on est à Trois-Rivières, donc si on veut aller au glissade d'eau, c'est facile d'aller à Québec, à Valcartier. Il y en a d'autres aussi près. Mais si on veut aller un peu plus loin, par exemple, on a une semaine de congé, puis on se dit, il me semble que ce serait le fun d'aller faire du camping, aller passer quelques jours plus loin. Mais je vous propose justement d'aller en camping à Pointe-Calumet. Il y a deux campings, mais c'est le fun quand t'es en camping, de prendre une journée pour aller au glissade d'eau quand il y en a proche. Moi, je sais, j'aime bien faire ça. Donc, le Super Aqua Club, si vous êtes jamais allé là-bas, bon, pour résumer, c'est très, très varié. Okay? Autant il y a des activités pour les enfants, autant il y a des activités pour tous et des activités pour un peu les plus grands. Donc, c'est différents niveaux. Il va y avoir des glissades, tu sais, presque 90 degrés. Il y a des glissades, c'est des bouées à 4 personnes, okay, mais qui sont assez intenses. Donc, par exemple, une genre de tornade, ils appellent ça la tornade, si je me trompe pas, c'est que tu descends à une pente très, très élevée. Bon, on dirait pas 90 degrés, là, mais tu te tiens après tes... Mm-hmm. Après tes poignées, là. Oui. Ouais. Et ça descend, après ça, ça tourne, tu reçois de l'eau. Donc, c'est autant des sensations fortes que des trucs plus tranquilles. Donc, si vous êtes plus du type, ah ouais, moi, piscine à vague, ça me branche, je sais pas trop, là. Bon. Il y a la piscine à vague, évidemment, le classique. Hein? Tu ris de moi? Non, je ris pas de toi. Mais c'est ça, dans le fond, il y a la piscine à vague, il va y avoir aussi des activités. C'est un genre d'immense module, c'est nouveau de l'année passée. Un immense module, plus pour enfants. Mais c'est quelque chose, peu importe où tu te trouves dans l'immense module, tu reçois de l'eau. Il y a tout le temps quelqu'un qui t'envoie de l'eau parce qu'il y a des genres de petits fusils ou je sais pas trop. Mais c'est vraiment le fun. C'est une belle journée au Super Aqua Club. Donc, le tarif, c'est autour de 30$ pour la journée complète pour adultes. Pour les enfants, c'est autour de 22$. Et il y a des tarifs aussi après 15 heures. Donc, après 15 heures, ça diminue à 22$ pour un adulte. Et si vous voulez aller passer un petit 2 heures, 2-3 heures, après 17 heures, c'est 14$. Ah. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver le matin même. Mais si je me trompe pas, ça ouvre à 10 heures et ça ferme autour de 8-9 heures, tout dépendant le moment de l'été. OK. Donc, une sortie, évidemment, glissade d'eau, mais très variée. Moi, à chaque fois que je vais là, je suis surprise. Ils ajoutent quelque chose de nouveau à chaque année. Donc, c'est toujours une surprise. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année à nous proposer? Donc, il y en a pour tous les goûts. Et c'est le Super Aqua Club. Le Super Aqua Club de Pointe-Calumet. À ne pas confondre avec le très normal Aqua Club ou le Pochetron Aqua Club. Non. il nous reste un petit bout de palmarès avant de terminer cette deuxième heure. Tout à l'heure, on va recevoir Simon Fédibé avec sa chronique Le Scout des Internets, donc restez là. En 9e position, dans quelques secondes, on va entendre Le Globe avec 77, mais c'est précédé par la 10e. Malajube avec Synesthésie. Sur C'est fou, 89.1 FM. C'est pas celle-là, c'est de l'autre avant. Ouais, hein? Commence plus smooth un peu. En fait, elle commence quasiment pareil que l'autre. C'est à la vie de croisière à l'assemblage requis. 89.1. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. Ça veut dire que ça nuisait à ta jouissance? Oui, ça nuit à ma jouissance d'ordinateur. Que le clapet de ton ordinateur n'arrive pas égal avec la base? Mais non, mais tu sais, le prix que j'ai payé ça. Mais c'est ça l'affaire, on paye aussi cher pour un gadget. Moi, c'est ça. Petite anecdote, Marie-Pierre, pour t'enseigner comment être geek et comment chialer sur tes gadgets. Je me suis acheté une console de jeux vidéo, une PSP, si j'avais dit ça. Il y a un genre de petit nuage là, tout le tour de l'écran, là, de 3, peut-être 2-3 mm de couleur blanche un petit non. peu, que tu vois des fois un petit peu, juste sur certaines couleurs. T'sais. Fait que je suis retourné à la console, je suis retourné au magasin, et retourné à la console, ils me l'ont échangé, là, j'ai fait ça 3 fois, genre. Jusqu'à temps que je lise sur Internet que c'est un problème assez commun et qu'il y en a qui remboursaient leur console 12 fois pour avoir le bon modèle. Fait que j'ai un petit peu abandonné. Surtout que l'endroit où j'ai fini par l'acheter la 3e ou 4e fois m'a dit qu'ils ne pouvaient pas le reprendre, eux. Ils ont décidé qu'ils ne le reprenaient pas. Fait que là, je suis pris pour garder cette console-là. Ça devient plate. C'est comme si sur une télé, tu avais un pouce, genre, tout le tour d'un petit peu de couleur, des fois, qui n'est pas pareil comme le reste de l'écran. C'est pas le fun, ça? Le contrôle, la qualité, des fois, chez certaines compagnies. Ouais. Moi, ma télé, chez moi, a fait ça. Ah oui? Ben, tu sais, une vieille télé. Là. Ouais, t'as un contour vraiment. Ouais. Moi, la télé fait une tache verte, genre, à un moment donné, dans l'écran à cause de quelque chose de magnétique, en tout cas, qu'il y a dedans qui est brisé. Ou genre, tu vois pas le bout de la tête de la personne, ouais, donc t'arrates à partir du nez, là, quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand vous achetez quelque chose, profitez du fait que vous avez 30 jours pour le retourner, l'échanger. Profitez-en, parce qu'après ça, pas sûr que la garantie prolongée va s'appliquer à un problème qui est là depuis le début. Je sais pas. Ça dépend. Et achetez votre matériel électronique avec votre carte de crédit que j'ai appris cette semaine, parce qu'ils ont une garantie prolongée incluse dans la carte de crédit. Oui. Oh. Faites ça. Bon. Assez parlé de niaiserie, là. Plongeons à quelque chose d'aussi geek que ça, mais avec une petite musique par-dessus. C'est le Scoot des Internet. Scoot des Internet. Scoot des Internet. On pourrait faire un remix à chaque session avec une nouvelle chanson que je pourrais chanter là, à l'improviste comme ça. Ça serait super intéressant. Vraiment. Peut-être une autre fois. Donc, Simon, beaucoup de nouvelles geeks qui se passent cette semaine. Oui, mais on débute par quelque chose que j'adore justement de ce côté-là. Le site Internet du Parti conservateur qui a été piraté cette semaine. Non. Oui. D'ailleurs, les pirates sont rentrés sur le site Internet, ont changé, en fait, ont inscrit une nouvelle comme quoi que Stephen Harper s'était étouffé en mangeant, je pense, un cornet de crème glacée. Quelque chose du genre. Et il avait dû être emmené d'urgence à l'hôpital de Toronto par hélicoptère. Bien sûr, ça a été enlevé tout de suite. Mais un pirate, par contre, a envoyé un message sur Twitter où c'est qu'il affirme qu'il y a des déclarations des conservateurs. En fait, où c'est qu'on voulait qu'aucune donnée soit diffusée, bien sûr. Mais il a quand même ramassé un fichier qui comprenait la liste de 5631 contributeurs du parti avec leur adresse courriel. Il y a la liste d'envoi du Parti conservateur. Mais j'ai entendu par rapport justement à Stephen Harper, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une blague, il a demandé la contribution des Canadiens pour aider à trouver un nom à son chien. Oui, oui, effectivement. Ou son chat, C'est à son chat, son nouveau chat, et le nom m'échappe. Stanley, oui. Les gens ont voté pour qu'il s'appelle Stanley. Stanley. En hommage à la coupe. Il avait proposé 24. Mais 24. J'imagine qu'il n'y a peut-être pas assez de francophones qui ont voté pour que ça devienne 24. Comme 24 heures chrono. Genre, non, 24, c'est l'adresse. OK. Ben, sinon, il aurait pu l'appeler Jack Bauer, ça aurait été beau aussi. Oui, puis en plus, Kiefer Sutherland est canadien. En fait, tout à fait. Ça aide. Mais bref, oui, c'est vrai, j'avais oublié complètement ce concours-là qui a eu lieu, c'était au courant de la semaine dernière. Un beau concours. Oui, un très beau concours. Hein? c'est un homme qui s'occupe de ses affaires. Il nomme son chat et il va écouter un match de hockey à Boston. Vraiment très, très bien. C'est un vrai Canadien, c'est un vrai gars du peuple, c'est une vraie personne. Ben oui. En tout cas. Ouais. Donc, voilà pour ça. Si jamais vous voulez continuer à pirater le site des conservateurs, bien, vous avez ma bénédiction. En fait. Et le lien vers les instructions sera sur sa page Facebook. Non, rien de pas. Maintenant, parlons d'Apple. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Oh, non. La présentation de Lion qui a eu lieu plus tôt cette semaine. Mac OS X.7, je crois, c'est bien ça. OS 10, il faut dire, Simon. OS 10. OS 10, mais... 10. En tout cas, c'est la même chose. Oui, je sais. 10.7, bref. Je trouve ça ironique, j'aime ça, moi aussi, des fois, dire Mac OS X, juste parce que je sais très bien que ça énerve les gens qui aiment Apple, dont je fais partie, mais j'aime ça juste pour provoquer. T'sais. Ah, mais je vais continuer à le faire, donc. Voilà. Bref, Lion, assez intéressant comme système d'exploitation. Oui. Va ressembler un peu, dans le fond, votre ordinateur va se transformer en gros iPad, on veut, sans le tactile, mais les écrans tactiles chez Mac vont s'en venir probablement, éventuellement. Et tu savais que le Bookstore va être sur Mac aussi, dans la nouvelle version. Tu vas pouvoir acheter des livres, toi qui attendais ça. Oui, tu vas pouvoir acheter des livres, mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, il est sur iTunes, mais tu n'auras pas l'application iBook. Je n'ai pas encore, enfin, toutes les recherches que j'ai faites par rapport à ça, parce que j'obsède là-dessus, parce que je comprends pas qu'on puisse pas lire des livres sur son ordinateur. Il faut absolument s'acheter soit un iPad ou un iPod Touch. Même lire sur un iPod Touch, c'est assez ordinaire, mais c'est vraiment décevant, c'est insultant même de la part de Mac. Là. Si on présentait le Bookstore, c'est certain qu'avant la sortie de Lyon en juillet, c'est sûr qu'il va y avoir une application. Parce qu'est-ce qui est disponible pour le moment sur iTunes, ils nous avertissent qu'il faut absolument avoir iOS 4.3 et autres pour pouvoir aller lire les livres, ce que je trouve encore là. Je l'ai dit complètement stupide, Kindle a mis l'application Kindle pour Mac, pour PC. Ça fait déjà longtemps que ça existe. On peut lire des livres version Kindle sur notre ordinateur, ce qui est déjà très bien. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la vidéo de présentation, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était sur un MacBook Air. Le futur MacBook. Les MacBooks n'existent plus. Maintenant, c'est les MacBook Air qui sont quasiment, dans. Ouais. C'est intéressant. En fait, l'interface tactile va être quand même assez cool pour le trackpad. On va pouvoir donc changer de space sans nécessairement avoir toutes les exposés un après l'autre. Ça a des combinaisons de trois doigts, quatre doigts vers le haut, vers le bas. Oui, exactement. Ce qui existe déjà, en fait, sur Snow Leopard, mais qui va être amélioré, en fait, c'est qu'on va pouvoir aussi faire apparaître nos applications comme si c'était un iPad. C'est là que je dis que l'ordinateur devient vraiment comme l'iPad. C'est la même interface. Une grille d'icônes. Une grille d'icônes qu'on peut... c'est bizarre qu'on dise comme un iPad. On pourrait aussi dire juste comme toutes les Windows depuis le début des temps. Oui, mais en fait, c'est que la différence, c'est que Windows, tu pouvais te défaire des fenêtres, pas des fenêtres, mais des icônes. Et tu pouvais les cacher sur un Mac aussi. En fait, c'est ce qui était vraiment de base sur un Mac. Si tu n'as rien dans ton écran, ce qui est déjà bien. Là, on revient un peu en arrière pour faire réapparaître le tout. Ouais. honnêtement, je trouve pas que c'est la plus grosse de, l'affaire la plus intéressante là-dedans. En fait, non. C'est sûr que c'est intéressant, mais on a des dossiers aussi pour serrer nos trucs qui sont encore assez accessibles. Tant qu'à utiliser des dossiers pour ça, je préfère de loin les stacks, les piles en bas de l'écran. Tu peux ouvrir toutes tes applications en une espèce de petite bulle qui apparaît. Ça, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Oui, ça va très très bien, mais on va pouvoir quand même avoir des justement des dossiers d'applications dans notre interface iPad. Ouais. Ça va peut-être être intéressant, même je risque de continuer justement à utiliser cette interface-là de dossier. Également, autre fait intéressant, ça c'est cool par exemple, parce qu'on va pouvoir avoir les applications en page complète, c'est-à-dire on va pouvoir aller sur Internet sans avoir le dock dans le bas. On va également pouvoir donc aller d'une application à l'autre et les laisser ouvertes quand même. Il va y avoir une bonne demande de mémoire vive par contre pour ce programme-là. On va pouvoir avoir beaucoup d'applications parties en même temps et on va avoir un genre de méga dashboard avec tout ce qui sort. Oui, c'est ça, le Mission Control qui va aller très bien pour ça, je trouve. Tu vas pouvoir voir toutes les applications qui sont ouvertes, même celles qui sont en plein écran, en une même interface et tu vas pouvoir aussi si tu appuies sur la barre espace, faire venir un genre de... juste de comme on le voit dans les fichiers normalement, un preview de toutes les applications. Donc, même si tu es perdu dans 100 applications d'ouverte, tu vas pouvoir les voir d'un seul coup d'œil avec ce Mission Control-là, qui est une version améliorée de ce qu'on avait déjà, mais quand même, c'est vraiment... Oui, ça va être assez intéressant. Ouais. Et en plus, pour le prix de 30$, ça, c'est vraiment là, c'est très, pas très bien. Par contre, tu as sûrement vu ça, tu vas pouvoir l'acheter seulement sur le Mac App Store, donc tu ne pourras pas acheter le CD. Par contre, il y a des gens déjà qui ont trouvé sur les blogs comment ouvrir ce fichier-là et graver toi-même ta propre soit clé USB, carte SD ou un DVD, donc tu vas pouvoir le faire, mais toi-même. En tout cas, pour l'instant. Mais je crois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui est sorti hier ou plutôt aujourd'hui par rapport à ça, que Apple va permettre de le graver, mais bon... Ça, d'accord, mais pourquoi le graver? C'est pas si important si que tu formates au complet, si tu veux repartir à neuf, c'est parce que sinon... Tu réinstalles ton ancienne version et tu vas le retélécharger. C'est trois étapes au lieu d'une. Ah, c'est tellement difficile. Alors, ça va que vous n'avez jamais travaillé avec Linux, vous autres, parce que vous verriez que c'est encore plus compliqué. D'accord. Et justement, le iOS 5 aussi qui a été annoncé. Par contre, c'est le système d'exploitation de l'iPhone, ça. Ouais, faut que j'ai iPhone, dit que iPad et tout. Ouais, parce que, désolé, t'es perdu. Mais tu vas pouvoir changer ton ordinateur pour t'acheter un Mac éventuellement, en nous écoutant. D'ici la fin de l'été, tu vas être au courant. Mais quand même, donc, le iOS 5, j'ai pas vu vraiment de grandes différences, par contre, de ce côté-là, parce que je suis pas un utilisateur d'appareils mobiles. Bon, ça va être quelque chose de mieux qui va être par contre adapté au iCloud, qui est l'autre truc intéressant qu'ils ont présenté. C'est ça. Système dans les nuages, vous allez avoir droit lors de son. C'est en juillet, je crois que ça va apparaître. L'automne, c'est ça. À l'automne pour iCloud, vous allez avoir 5 gigs gratuits pour pouvoir mettre vos données. Et lorsque vous allez acheter des trucs sur iTunes, eh bien, ça va être stocké immédiatement dans le nuage. Et sans égrener dans le fond ce que vous aviez déjà d'espace disponible, c'est-à-dire que vous allez rajouter de l'espace au fur et à mesure que vous allez acheter des trucs, ce qui est super bien pour justement des gens qui ont des iPads et qui veulent pas nécessairement synchroniser leur iPad directement d'un ordinateur, vont pouvoir le faire directement du nuage. Ben, même quand tu vas avoir acheté un iPhone avant, il fallait que tu te branches absolument sur iTunes. Mm-hmm. Maintenant, dès l'achat de l'iPhone, tu vas pouvoir tout prendre d'un coup sec. Ouais, c'est le fun. Et autre fait intéressant, ça va libérer aussi de l'espace. Tu vas pouvoir avoir pratiquement toute ta bibliothèque de musique dans ton iPhone 8 gig sans nécessairement que ça prenne de l'espace parce que tout va être dans le nuage, tu vas aller chercher ce que tu as besoin dans le moment. Même chose pour les ordinateurs SSD. Peut-être pour ça aussi que Mac a forcé le iCloud, c'est que bon, les MacBook Air fonctionnent avec SSD. Probablement que ça va s'en venir sur les prochaines versions de MacBook aussi. Et ça coûte cher, donc on essaie de réduire le coût en faisant des plus petits disques durs avec moins d'espace. Donc, ce qui est bien, c'est que iCloud va aussi avoir un API, donc les autres applications de d'autres compagnies vont pouvoir se brancher dans le iCloud pour aller profiter de la capacité de l'iCloud. Je trouve ça vraiment cool. Oui, vraiment, là, ça va et la fonctionnalité est déjà là un peu dans certaines places là, sur l'iPhone et le Mac. Et ils vont pouvoir contrôler tous nos ordis d'un seul claquement de doigts. Claquement de doigts. Il y a aussi il y a le nouveau Find My Mac, qui est un petit peu comme le Find My iPhone. Ah oui, pour si j'avais ton Mac. Ah, ouais. Ça, c'est bien, c'est bien. Mais s'il est fermé... Ah, si prochaine fois, tu vas l'ouvrir. Ouais. Ouais, c'est pas fou ça. Finalement, pour en finir avec Apple, ils ont fait une demande pour construire un nouveau campus pour, dans le fond, les développeurs et les gens qui travaillent pour Apple. Ça serait en forme de soucoupe volante, mais avec un trou dedans. Ouais. Dans le fond, ce serait comme un gros beigne. C'est ça. En plein milieu de la forêt. Ça a l'air assez cool, assez futuriste, mais pas très beau par contre. Je trouve pas ça super. Donc Steve Jobs s'est présenté lui-même c'est-à-dire c'est dans la ville de Cupertino en Californie. Il s'est présenté au conseil de ville pour demander justement d'avoir le droit de construire. Et il y a une conseillère qui a dit, si on construit ce qu'on va avoir le Wi-Fi gratuit en étant en proximité, il a dit, on paye nos taxes, le Wi-Fi, c'est la ville qui devrait le permettre. Donc, voilà pour ce qui est de ça. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de visiter ça dans un futur lointain. Maintenant, la Wii U qui a été mise à l'essai. Oui. Les gens qui l'ont essayé, cette nouvelle console, c'est la nouvelle console de Nintendo qui va remplacer la Wii dans le futur, qui dans le fond, j'ai pas vu le corps par contre de la console. Ben ça ressemble pas mal à la Wii, avec les coins un petit peu plus ronds. Ouais, c'est ça. Eux, dans les photos, la montraient à plat. Je sais pas si elle va pouvoir se mettre debout, j'imagine aussi que oui. Mais sinon, l'intérêt, c'est vraiment la nouvelle commande. Exactement, la commande qui, dans le fond, ça ressemble à un genre de petit iPad gros. Comment dire? Obèse. Oui, ouais, obèse. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Tout à fait. Les coins sont quand même assez gros et on a donc la commande, c'est-à-dire les quatre boutons. J'imagine pas comment ça peut être confortable. Non, pas vraiment. C'est pas très, très ergonomique. En fait, c'est assez ordinaire. Et on a un joystick d'un côté, deux joysticks. Deux joysticks en haut de tous les boutons. Oui, les boutons en dessous. Et ce qui est vraiment pas trop pratique non plus, c'est que les boutons Home, l'équivalent de Start Select aussi, sont dans le bas, en dessous de l'écran. Écran tactile aussi. Ça, c'est pas quelque chose avec quoi je suis familier. Et je sais pas si ça va vraiment augmenter le plaisir de jouer. Ou non. Et on disait aussi, je sais pas si tu peux me confirmer ça, qu'on allait pouvoir, disons, continuer notre jeu en étant dehors de l'espace. Oui. Mais le concept est que tu vas pouvoir jouer, mettons, tu es en train de jouer à un jeu comme Mario, mettons, à la télé, et là, quelqu'un arrive dans la pièce et veut regarder la partie de baseball, tu vas pouvoir changer l'input de ta TV et envoyer ton jeu sur ta console. Et c'est du streaming. Apparemment, qu'il n'y a pas de latence, comment tu appelles ça, de délai. Ouais. Mais c'est pas une console portable en tant que telle, la nouvelle commande de la Wii U. C'est vraiment juste un relais de ce qui se passe à l'écran. Donc, tu vas pouvoir aller jouer, mettons, à Mario dans ton lit. Mm-hmm. Mais la console doit rester ouverte et tu dois rester dans la zone Wi-Fi et assez proche de la console, j'imagine. Ouais. On ne sait pas jusqu'à quelle distance. Mais ce qui est le fun aussi avec ce deuxième écran-là, c'est que tu vas pouvoir avoir quelque chose d'ajouté. Ce ne sera pas nécessairement tout le temps une reproduction de ce qu'il y a à l'écran. Par exemple, tu pourrais avoir, je ne sais pas, tu joues à Zelda, il pourrait y avoir les armes, ton choix d'armes sur l'écran. Tu vas pouvoir avoir les deux écrans un peu comme si... Ben c'est ça, tu vas devoir regarder les deux écrans. C'est comme un Nintendo DS. Un gros DS. Par contre, ce qui va être aussi amusant, c'est que non seulement ça, mais en plus, tu vas pouvoir avoir des jeux qui vont être seulement sur la télécommande. Donc, disons, il y avait un exemple, je ne sais pas si c'était avec quel jeu, je ne sais pas si c'était du backgammon ou peu importe le jeu de table, mais tu pouvais le poser sur la table et là, les deux personnes vont pouvoir jouer avec l'écran tactile sur la même télécommande. Ah, ça, c'est intéressant. Bien. Intéressant. Tu vas pouvoir tirer des flèches à l'écran en mettant ta manette devant l'écran. Ça va vraiment, tu sais, mettons, t'as à l'écran une scène qui se passe, ta manette va reproduire ça et en plus va reproduire ce qu'il y a à gauche et à droite, en haut et en bas de cet écran-là. C'est comme une extension. Mais moi, c'est l'interface graphique aussi que j'ai hâte de voir parce que mon Nintendo est en arrière un peu en retard sur les autres, par contre, sur Xbox et PlayStation. Et là, est-ce qu'on va essayer de les rattraper en faisant, en remplaçant les polygones par les multicouches pour l'animation 3D? Et si on va avoir justement un meilleur processeur, ça, c'est à voir. Les journalistes ont l'air impressionnés par les capacités graphiques jusqu'à maintenant des démos qu'ils ont vues. Impressionnés étant relatif par rapport à Nintendo. Hein. On s'entend que c'est peut-être pas au-delà de la PS3. On ne peut pas s'attendre nécessairement à grand-chose. C'est ce qui est bien, par contre, parce que la Wii a été un grand succès et on peut juste s'attendre à avoir un autre succès pour la Wii U. Il faudrait juste qu'il y ait comme ça augmente, que ça soit mieux que c'était, parce que là, c'est vraiment, ça commence à être très, très dépassé, la Wii. Tout le monde attendait la révélation de la nouvelle console et je pense que tout le monde dans la salle, quand ils ont vu Wii U, ont fait comme « Ah ouais, tu continues dans cette lignée-là de la Wii, vraiment, ouais, c'est ça. Tu changes pas, là. » C'est ça. Et en plus, les gens de Nintendo se défendent parce que là, on les a accusés, dans le fond, comme quoi que c'était juste un upgrade à la Wii, tu sais, tu pouvais rajouter un bloc dessus puis avoir. Mais ils disent non, c'est vraiment une nouvelle console. Mais en même temps, toutes les manettes de la Wii vont fonctionner dessus, ça va être backwards compatible, donc tu vas pouvoir utiliser toutes tes manettes, toutes les périphériques que tu avais, donc ça a l'air d'une version numéro 2. Avec le nom, je trouve que ça souligne ça. Exactement. Donc, ça va être assez dommage, mais en même temps, ils sont quand même assez en avance. PlayStation ne risque pas de lancer leur nouvelle console bientôt, et Xbox non plus. Donc, ils peuvent prendre peut-être un an ou deux d'avance sur les autres. Justement, parlant de PlayStation, la PlayStation Vita. Ah, c'est un i. Vita. Ah, OK. Vita, qui a été lancée également, présentée au E3, c'est dans le fond la nouvelle version du PlayStation portable, mm-hmm. le PSP, qui va remplacer la version... C'était-tu la version qui slidait avant? Avec ben c'est ça. Dans le fond, c'est discontinué, la version PSP Go. Ouais, c'est ça, PSP Go. T'es discontinué partout dans le monde, encore aux États-Unis à fond encore. Donc, ça se vend encore apparemment assez pour qu'ils continuent de la faire. Mais non, ça va remplacer ça aussi. Là. Donc, on revient un peu plus classique avec deux joysticks cette fois-ci. Ben, c'est ce que le monde attendait. Là, parce que vraiment, pour jouer à des jeux vidéo portables de Sony, en tout cas, les shooters et les jeux un petit peu plus hardcore pour les vrais gamers, un joystick, c'est pas assez. Ben, ils ont été les premiers à mettre deux joysticks sur leur manette à l'époque, 1995, sur mon PlayStation 1. C'est quand même assez bien comme innovation. Il était temps qu'ils pensent à ça. Il va être disponible, donc, j'imagine, d'ici le temps des fêtes 2011, il va y avoir deux modèles, un Wi-Fi, un 3G, donc entre 250 et 300 $ pour quand même pas si pire. La version. Assez bien. Moi, je vais en profiter pour acheter les vieilles PSP des gens. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une vieille PSP parce que les prix sont ridicules. Tu peux acheter des jeux pour 4-5 $ usagés en ce moment, ça n'a aucun sens. Puis la console, 130 $ c'est gagnant. Ce que j'aime de la Vita, c'est les deux écrans tactiles. Un écran tactile et un genre de pavé tactile à l'arrière de la console. Donc, tu vas pouvoir toucher à l'intérieur de la console, faire lever des trucs en touchant en arrière. Tu as l'écran touch en avant pour pouvoir, par exemple, contrôler ton personnage pour qu'il aille sur telle falaise, se tenir après, faire suivre ton personnage qui va suivre ton doigt, finalement. Les jeux vont venir sur des cartes SD custom, jeux-là. Ça. Ce qui est très bien, ils ne sont pas encore passés au en ligne seulement. Ce qui me rend très heureux, parce que les affaires en ligne seulement, tu ne peux pas les revendre. C'est un mercantile, toi, Mathieu. C'est ça, les jeux vidéo. C'est parce que quand tu paies au-dessus de... Des fois, c'est 50, 60 $ pour un jeu. Moi, excuse-moi, mais à un moment donné, je vais finir par la vendre. Là, parce que c'est cher pour rien. C'est vrai. Alors que sur un iPhone, tout le monde dit « Ah, tu peux acheter un jeu pour 1, 2, 3 $ T'es pogné avec un peu. C'est ça, t'es pogné avec. Et tu vas jouer peut-être pendant une heure ou deux, même des fois. Donc si tu joues avec. Ouais. Parce qu'il y a des jeux que j'ai achetés que j'ai pas encore joué avec. Il y a un truc assez dommage, et c'est surtout pour le Mac App Store. Maintenant, c'est le Mac App Store, c'est plus juste l'App Store. Ouais. Quand tu achètes un jeu, quand tu veux acheter un jeu, t'as pas moyen d'avoir une version de démo. Donc, bien souvent, quand c'est des jeux de développeurs indépendants, ça a l'air d'être des petits jeux le fun, mais ils coûtent quand même 5$ et finalement, tu peux jouer parfois une heure et demie. Soit t'as fait de la tour, soit tu trouves ça vraiment plate. Donc, faire plus de versions light, ça serait quand même assez intéressant. On va prendre une petite pause, ça te dérange pas trop. On va revenir parler encore un petit peu de technologie parce que le temps passe et quand même. On doit jouer du palmarès un petit peu. On va aller entendre les positions 8 et 7 tout à l'heure. Il y aura Monogrenade avec La Marge. Et juste avant, ça va être Galaxy avec Shanghai. Shanghai! C'est la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est Fou. Le soleil se lève sur Montréal, se couche sur Shanghai. C'est le début de qui? Nous, la fin de quoi? J'aime bien mourir un peu, à tous les jours. J'aime bien mourir un peu, quand je suis avec toi. Le temps numéro 7. N'en déplaise à Marie-Pierre, on va continuer de parler de choses geeks. Ça te dérange pas trop encore un petit peu? Ça prend de la concentration, ça va. Focus, c'est le scout des internets. Scout des internets. Scout des internets. Il nous reste encore quelques nouvelles, oui. Simon, à faire. Oui. On va continuer sur le 3 un petit peu, par contre, avant ça. J'ai regardé les trucs qu'on n'a pas parlé depuis tantôt. Est-ce que tu as vu la télé 3D? J'ai pas vu ça. C'est une nouvelle télé brandée, donc marquée de fer rouge avec le nom PlayStation. Donc, ils vont vraiment vendre ça une télé PlayStation. Et les deux personnes qui vont être assises devant la télé vont avoir une paire de lunettes et ils vont chacun voir quelque chose de différent. Le joueur 1 va voir quelque chose et le joueur 2 va voir autre chose avec ses lunettes. C'est vraiment intéressant. Un bundle avec le moniteur 3D va être disponible pour 500$. Ça va inclure les lunettes PlayStation 3D, le jeu Resistance 3 et un câble HDMI. Les lunettes additionnelles vont coûter 70$. Une télé 24 pouces PlayStation avec technologie split screen. Avec deux visions différentes, j'aime ça. Ouais, c'est quand même assez intéressant. J'ai hâte de voir le genre de c'est-à-dire le genre d'interactivité qu'on va pouvoir créer avec ça. Voilà. C'est fascinant. Ouais. Sinon, côté jeu, moi, qu'est-ce qui m'a intéressé dans la conférence de Sony? C'était le nouveau Little Big Planet pour Vita. Oui. La nouvelle console. Toujours un jeu intéressant. Et la compilation God of War Origins Collection qui va compiler les jeux PSP. Pour la PS3 remasterisée. J'aime vraiment l'idée de prendre des jeux qui étaient créés pour la PSP. Donc, des jeux qui sont vraiment très, très courts pour la PSP, refaits en 3D, pas en 3D, en HD, pour la PSP. PlayStation 3 dans ton salon. J'aime l'idée. C'est un autre rehash, comme on dit en bon français, voilà. De God of War. Puis il y avait eu la version 1-2 qui avait été rajoutée à la 3 pour une genre de trilogie sur la PlayStation 3. On avait sur la comme PS3, ils ont refait. Je sais qu'ils ont. Je l'ai vu qu'ils ont refait les deux versions PS3 en remasterisé, toujours pour la PS3 en un seul DVD Blu-ray. Ah ouais. J'avais fait ça, mais pour la. En tout cas, bref. C'est beaucoup de beaucoup trop de remaster, ouais. Et puis le nouveau Sly Cooper, Thieves in Time, qui va sortir en 2012. J'ai très très hâte. Là, j'adore la série Sly Cooper. Sinon, pour PlayStation 3, moi, sérieusement, dans la conférence, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'ont marqué. Toujours plein de suites. Là, Kinect Sports, Dance Central. Il y a le nouveau Fun Labs de Kinect. Un nouveau jeu de Sesame Street. Hein, un nouveau Star Wars. Le retour de l'agent 47, Hitman. Ah, ah, ah! Ça, j'ai toujours aimé ce jeu-là. J'adore Hitman. Il y a tellement de séries qui manquent à ma culture. Ça n'a même pas d'allure. Ben, c'est le fun. C'est très, très, très plaisant, déjà. Il y a le moteur de recherche Bing qui va être ajouté sur l'interface de la Xbox 360. Hey, Sumo, il arrête pas d'essayer Bing, mais ça fonctionne. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça fonctionne juste pas. Tu te sens mal quand tu dis je vais aller binger ça. Hey, ils font du placement de produits dans les séries télé comme How I Met Your Mother. Justement, des fois, là, tu vois dans l'écran, oh, je suis sur Bing, ah, j'ai l'adresse. Pas crédible, hein? Quoi. Non, vraiment pas. Aussi, il y a Zelda, un nouveau Zelda qui va apparaître sur la Wii U. Oui. Le nom m'échappe tout le temps, Sword of Nananana. Skyward Sword, qui arrête pas de remettre à plus tard. C'est ça qui devait sortir sur la Wii. Là, j'imagine qu'on va attendre que ça soit la je suis pas convaincu qu'ils vont attendre. Parce qu'on attend la console pour quoi 2012? Et puis le jeu est annoncé pour cette année. J'espère qu'ils vont ouais, sortir. Mais c'est un bout qui l'annonce, le jeu. En tout cas, je sais pas, peut-être. Ouais. Nouveau Tomb Raider que j'ai hâte aussi de voir. Donc, ça, c'est pour Microsoft. Là, on parlait un petit peu de Nintendo avec Zelda. Ils ont annoncé le nouveau Mario à la Mario Bros. 3 mélangé avec des affaires de Mario World et des affaires de Mario. Un paquet de différents Mario 64. Genre, tout ça dans un beau petit cocon qui s'appelle juste pour l'instant Super Mario. Ah ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être le retour d'un Mario plus classique. Sur la 3DS, oui. Très, très, très, très hâte de voir ça. Sinon, qu'est-ce qu'on dit sur la Wii U? Il fallait que j'en parle. Luigi's Mansion 2 sur la 3DS. Un de mes jeux préférés depuis toujours sur la GameCube dans le temps. Là, version numéro 2 avec des nouveaux châteaux, même plusieurs châteaux manoirs sur la 3DS. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est celui où Luigi a un aspirateur sur le dos et aspire des fantômes. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Je n'ai jamais joué. J'ai joué au GameCube, mais pas à Luigi's Mansion. J'ai hâte de voir. Voilà, donc pas mal de choses à l'E3. Allez voir sur les blogs. Il y a tellement trop d'affaires à dire. On pourrait faire une émission de 4 heures là-dessus. Hein. Ouais. Un jeu intéressant, par exemple, qui a été montré aussi au E3, c'est le jeu Rocksmith qui est fait donc par Ubisoft. C'est un jeu où tu vas pouvoir jouer à l'équivalent de Guitar Hero, mais avec une vraie guitare. Ta propre guitare? Ouais. Tu joues les notes qui apparaissent à l'écran comme il faut et là, ils détectent. Wow. Et ça, je suis extrêmement content parce que les gens qui jouent la guitare comme moi et qui regardent les gens qui jouent à Guitar Hero qui disent « Oh, c'est facile, je joue de la guitare. » Je suis tellement pas chassé. C'est vrai, oui, ça. Ouais. Mais à l'époque, c'est qu'il y avait des jeux d'arcade là, qui étaient pareils comme Guitar Hero et Rock Band avec le drum. Là, j'ai connu ça et les gens me disaient « Ouais, mais là, c'est facile, je joue de la guitare. Regarde, là, c'est à peu près le même. C'est le même principe. Les doigts vont sur des cases. » Ouais. Même chose pour les genres de Dance Dance Revolution. Oui, exact. Je connais une personne qui a absolument pas le rythme. Tu sais, comme tu demandes d'être tapé dans ses mains sur une musique, ça marche pas. Mais à Dance Dance Revolution, il est très bon, tu sais, parce qu'il bouge ses pieds vite, puis clac, clac, clac, clac, clac sur toutes les touches, là. Ah oui, ça, c'est vraiment une abomination, ce genre de jeu-là. Mais c'est le fun, par exemple. C'est ça, faut pas que tu prennes ça comme de l'art, faut que tu prennes ça comme du plaisir. C'est vrai que c'est non, fun. Je sais. Moi, j'en ai beaucoup du plaisir. Je sais, c'est le fun. J'aime ça jouer à Rock Band aussi, mais quand même. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est South Park en saison 5, il avait fait justement, c'était une dance crew, puis là, t'avais, mettons, un petit gothique qui dansait à la gothique, c'est-à-dire qu'il bougeait d'un côté à l'autre très, très lentement. Mais t'avais un gars de Dance Dance Revolution. Là, il se mettait tout à danser, puis lui, il faisait juste aller les pieds en arrière la tête un peu sur le côté avec un petit filet de bain. C'était extrêmement drôle. C'était classique. HP a fait la démonstration de son touchpad, donc une nouvelle tablette qui va être disponible au Canada en juillet et va être mise en vente. Si vous voulez la manger, ça pourrait être toxique. Non, ça pourrait être bon. C'est le 15 juillet au Canada et en Europe. Il sera en précommande le 19 juillet. Elle va avoir un 3G, bien sûr. Mais ça n'a pas été confirmé encore qu'il allait avoir un marché, c'est-à-dire pour le 3G, c'est-à-dire si on allait avoir un fournisseur attitré. Et donc, pour 16 GB et 32 GB de mémoire, donc à 519 ou 619 $. Un peu plus cher qu'un iPad. Ouais. Et pour ce qui est de la grosseur, en fait, il n'est même pas écrit dans l'article que je suis en train de lire, là, savoir si c'est plus gros ou plus petit qu'un iPad. Ça a l'air un peu plus petit, un peu plus slim. Donc, un écran 16.9 pour... C'est ce que je suis allé voir un petit peu plus. C'était lequel? Tu me rappelleras peut-être le nom si tu t'en rappelles. C'est celui qui est un petit peu plus gros qu'un téléphone, mais pas mal plus petit qu'une... C'est une Tab? Non? Le Galaxy Tab? Quelque chose du genre. Mais j'aime vraiment la grandeur de l'écran. J'ai été voir des vidéos sur comment ça feel dans les doigts, sur les doigts. Et, j'ai essayé le Playbook aussi, justement, en fin de semaine. C'est pas ça le Playbook, en tout cas, il y a comme deux versions. Playbook est intéressant. J'ai comme fait une comparaison Playbook à iPad. Je trouve que le Playbook est plus smooth. Donc, d'aller c'est-à-dire d'une fenêtre à l'autre. Tu peux jouer du Flash, tu peux jouer plein d'applications en même temps. Ce qui est bien, c'est que l'iPad a du mal à faire encore. Donc, ça, c'est cool. Pour terminer, on pourrait dire Google qui rend hommage à l'espace. Donc, oui, on en parle un petit peu tantôt. Vite, ouais, donc, il y a un doodle fait pour l'espace. Ça sonne bien. C'est hein? Très, très beau. C'est très fun. De quoi qui sonne bien? La petite guitare que tu peux jouer. Ah, tu peux jouer? Je ne savais même pas. Oui, j'avais juste une image. Je me suis dit, c'est un doodle. Tu peux jouer. Oh. Il faut que j'en joue encore une fois. Oui, Mathieu, fais-nous une petite composition. Encore. Faut que tu prennes des pauses entre, parce que sinon, on dirait que les sons s'embarquent un par-dessus l'autre. Là, ça sonne bien, mais si je fais ça, ça sonne pas très bien. Ouais, mais ça sonne plus comme toi, Mathieu, justement, quand tu chantes. Insulte-moi pas, ça. Je t'invite pas dans le studio pour que tu m'insultes. Si je pèse sur le bouton clavier, Simon, gars, je peux jouer avec le clavier. Tu préfères ta version des scouts des internets avec ça? Les scouts des internets. Les scouts des internets. Ouais, moi, je trouve ça très, très bien. Je pense que je vais y aller, moi. Bon, ben merci, Simon. Ça fait plaisir. Ouais. Est-ce qu'on l'écoute une dernière fois, moi, en train de chanter, mais pour vrai? C'est pas tellement plus vrai, finalement. C'est un peu aussi mauvais. Hein. Oh, merde. C'est une belle expérience, je trouve. Ouais. À la semaine prochaine. À la prochaine. Ouais, à la prochaine fois. On sait pas. Ouais. Okay. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Le niveau de geekitude de Marie-Pierre est monté d'un autre cran. C'est difficile. C'est un chemin difficile. Ouais. Il y a des choses qui lui passent par-dessus la tête, je pense. C'est pas grave. Ouais. Tu la réécoutes en reprise. Qui me donne mal à la tête. Ah, d'accord. Voilà. Ça. Wow. On va avancer un petit peu parce qu'on a encore plein de chroniques à faire d'ici la fin de l'émission. Moi, j'ai une autre partie de C'est un fait. Toi, tu vas nous présenter un livre tantôt. Oui, un livre de Frédéric Becbédé. Je l'aime beaucoup. Ah, oui. C'est un nom qu'on a déjà entendu dans ta chronique. Oui, c'est un nom qu'on a déjà entendu. On va écouter le CD que tu as entre les mains qui est en 3D devant toi, telle une vraie chose. La bête. La bête. La bête. La bête. Mais il n'y a pas d'accent circonflexe. Ah, c'est vrai, la bête. Ah, c'est peut-être Bette Midler. Un hommage à Bette Midler, j'aime ça. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on va l'entendre les positions 5 et 6. Tout à l'heure, Carré Mouette avec Après tout, mais avant. Mais avant, c'est les gigs avec Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais là? Ben, t'écoutes la radio à la meilleure station du monde. C'est fou. Yeah. 5. Carré Mouette avec la pièce Après tout en position numéro 5 francophone. C'était précédé des gigs ou les jigs avec Qu'est-ce que tu fais en position numéro 6. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ben, je fais un petit bloc Il était deux fois version sauce spéciale avec ajout et tout. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. T'as l'air super peace avec tes deux fois dans les mains, j'aime ça. On n'a pas de thème spécial pour il était trois fois parce que c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Oui. Tu nous as trouvé un beau petit concept. Oui, ben c'est ça. J'ai vu que t'avais ton thème. Il était deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux fois. Deux fois, deux fois. Mais moi, je me suis dit, ben voyons, je connais trois chansons qui portent à peu près le même titre. Mm-hmm. Du moins, le même nom de femme dans le titre. Un prénom. Le même prénom, voilà. Le même prénom de femme dans les titres. Donc, je vous propose, comme première écoute, c'est Spoon avec Goodnight Laura. Donc, on s'entend que le nom, c'est Laura. Hein? Ben, j'imagine que voilà. Vous allez devoir deviner ensuite le nom des autres pièces après. Ça va être difficile. Hein? C'est un défi quand même assez, assez intense. Donc, on écoute quoi? Spoon. Goodnight Laura. C'est ça? Ben oui. Okay. Goodnight Laura. Oui, voilà. Ah, ah, ah. C'est plus tranquille. Ouais. Good night, Laura. Don't you know you've been away tonight?

La formation Girls avec la pièce Laura dans le bloc, il était deux fois avec bonus ajouté. Oui, il était trois fois. Donc, trois chansons avec le titre, avec le prénom féminin Laura. Puis en les écoutant les trois, une à la suite de l'autre, on constate que c'est un peu... Laura, c'est plus tranquille, hein? Ben oui, mais Laura, c'est un nom calme. C'est une personne calme. Je suis sûr que toutes les Laura sont calmes. Ça donne l'impression que Laura est là pour consoler. Connais-tu une Laura dans la vraie vie? J'en connais une. Oui? Ah bon, quand même. Oui. Surprenant. Une Française. Ah ben, tu vois. Bon. Donc voilà, pour ce bloc-là, on va transitionner de façon tout à fait subtile, comme on aime le faire, au bloc, à la deuxième partie de la chronique « C'est un fait ». C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V, on a appris tantôt que si tu mets 4 doigts un à côté de l'autre, là, dans ta main. Là. Ça fait 3 V ou 1 W et 1 V. Oui, genre. Ou 4 I. Également. Mais sans les points, il faudrait que tu mettes tes autres doigts par-dessus. Ouais. On a appris aussi plus tôt dans l'émission qu'Émilie ne pourrait pas faire des V avec ses orteils. Non. Parce que là, les orteils en partie palmés. Donc, des faits, on en défile comme ça à la vitesse de l'éclair. Tu connais les Magic 8 Ball, les boules qui ressemblent à une boule de billard avec la réponse à l'intérieur, oui, tu peux la shaker. Oui, bon. Oui. Ben, le dé à l'intérieur d'une Magic 8 Ball, c'est un icosaédron. Un icosaédron qui est un dé à 20 côtés, évidemment, ce qui veut dire que tu as 20 réponses différentes possibles quand tu demandes ta fortune à la Magic 8 Ball. Les réponses, c'est il y a 5 réponses qui sont totalement affirmatives, et je les cite, c'est certain, décidément que oui, sans aucun doute, oui, définitivement, et tu peux te fier là-dessus. Je l'ai traduit à la volée, c'est sûrement pas ça en français. Ensuite, il y en a 5 qui sont affirmatives, mais plus, tu sais, plus relax là-dedans, comme dans « je crois que oui, probablement ». Ça m'a l'air bien et les signes pointent vers oui. Il y a aussi oui tout court. Il y a 5 réponses qui ne veulent pas s'engager, comme ma réponse est floue ou essayer à nouveau, redemander plus tard, je ne devrais pas te le dire tout de suite et je ne peux pas prédire pour l'instant. Bref, des réponses qui ressemblent à ça. Il y a 5 réponses négatives, compte pas là-dessus, ma réponse est non, mes sources disent que non, blablabla. Et selon la théorie des probabilités, ça prendrait en moyenne 72 questions pour avoir les 20 réponses au moins une fois dans la file, selon les lois de la probabilité. Fait que tu shakes 72 fois. 72 fois pour les avoir les 20. Et voilà. Tu vas en avoir plusieurs je fois. Je ne peux attendre d'essayer ça ce soir. Hein? Ah, ben oui. Si t'en as une? Non. Non, d'accord. Les Ewoks, dans le film Return of the Jedi, ne sont jamais nommés par leur nom dans le film Return of the Jedi, même pas une seule fois. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens, quand le film est sorti aux États-Unis, les gens les appelaient, bon, les petits oursons, les gens de drôles de bêtes poilues. Le mot Ewok n'est jamais dit dans le dialogue. La seule fois qu'il apparaît dans le film, c'est à la fin, dans le générique. Hein? Les gens, évidemment, se rendent pas jusque-là, la plupart. Donc, le mot s'est rendu dans le langage américain, dans la pop culture américaine, via les différents romans, séries dérivées ou articles promotionnels de Star Wars. T'as-tu déjà vu le spectacle de Louis-José Hood? Non. C'est le spectacle caché et il parle des Ewoks. Okay. Et c'est tellement drôle. Comme quoi, les Ewoks, tu sais, des fois, quand tu vas voir un show de rock au Centre Bell, il reste tout le temps juste des médiums ou des larges. Puis selon lui, c'est qu'il y a un espèce de Ewok qui arrive puis qui prennent toutes les smalls. Donnez-moi un schmoll. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Donnez-moi un schmoll. J'aime ça. C'est vraiment drôle. Parlons de Steven Spielberg, toujours en cinéma. Son premier film complet a fait un profit de 1$. C'était en 1964. Spielberg, qui avait 16 ans à l'époque, a écrit et créé un film de science-fiction qui s'appelait Firelight, avec un tout petit budget de seulement 500$. Donc, Steven a utilisé ses amis de l'école secondaire pour... faire la distribution du film. Il a utilisé ses amis. Et plusieurs des scènes ont été filmées dans son propre garage à Steven Spielberg. Il a même composé la musique du film à la clarinette, l'a joué lui-même. Non, il l'a composé lui-même, mais ensuite a demandé au groupe de musique de l'école secondaire, là, je sais pas, le Marching Band, j'imagine, de l'enregistrer pour la trame sonore. Le produit fini a été montré au Phoenix Little Theater, littéralement le petit cinéma, s'appelle Little Theater, faut le dire. En Arizona, devant un public de 500 personnes. L'admission coûtait 1$ par personne, mais il y a sûrement un invité qui a dû payer 2 fois parce qu'il a réussi à faire un profit de 1$ sur ce film-là. La plupart des bobines pour ce film-là ont été perdues par un producteur plus tard. Par contre, son premier film, ben, ce que les gens considèrent comme son premier film est maintenant Duel, qu'il a fait en 1971. Par contre, les bobines qui restent, il n'y avait que très peu de bobines qui restaient du film Firelight. Ça a servi de base pour un autre film que Spielberg a fait plus tard, c'est Rencontre du troisième type, en 1977. Donc on voit que c'est là-dessus qu'il a basé son film Close Encounters of the Third Kind. Voilà. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a promis qu'il ne mangerait que de la viande d'animaux qu'il a tués lui-même cette année. Savais-tu ça? Je sais pas si ça a fait le tour des médias, j'ai aucune idée. Donc chaque année, le milliardaire, appelons-le comme ça, des réseaux sociaux, se donne un nouveau défi pour se donner plus de discipline, d'autodiscipline si on veut, et d'augmenter ses intérêts et ses connaissances dans la vie. Donc en 2009, il avait promis qu'il porterait une cravate à tous les jours pendant toute l'année, et en 2010, il avait promis d'apprendre le chinois. Est-ce que ça a réussi ou... Je sais pas. Ah. Ça le dit pas. J'aimerais ça savoir s'il peut parler le chinois couramment. Mais le défi de cette année, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Donc, la grande révélation est arrivée sur sa page Facebook au début du mois de mai. Un statut qui disait « Je viens de tuer un cochon et une chèvre ». Ouais, c'est assez dégueulasse. Zuckerberg lui-même a été guidé dans son aventure inhabituelle par un chef très connu de Silicon Valley qui s'appelle Jessie Cool. C'est une femme, en fait, Jessie Cool. Quel nom incroyablement cool. Bonjour, je m'appelle Jessie Cool. Donc, elle lui a donné des conseils pour tuer son premier cochon, son premier poulet et sa première chèvre. Après que Zuckerberg ait tué sa proie, les animaux morts sont envoyés par la poche, je ne sais pas comment, à un boucher de Santa Cruz qui prépare la viande pour sa consommation. Mark et sa copine ensuite font cuire la viande et mangent ça pour souper. Il a même dévoré un cœur de poulet et un foie de poulet. Pas tout à fait convaincu. Moi, je deviendrais végétarienne. Facilement, hein, moi aussi. Oui. Parlant de manger, peut-être des choses un petit peu meilleures que ça, espérons-le. Tu pourrais manger chaque soir de ta vie à New York City, pour le reste de ta vie sans même manger au même endroit deux fois. Oh. Pour le reste de ta vie, si tu commençais maintenant, jamais tu verrais le même restaurant deux fois. En 2008, le New York Times a estimé qu'il y avait environ 25 000 restaurants dans le grand New York City, ce qui veut dire que tu pourrais aller à un nouveau restaurant à tous les soirs pendant 68,49 ans ou 68,45 ans si tu comptes les années bisextiles. C'est précis quand même. Mais sûr, il y en a dans ces restaurants-là que tu n'as pas le goût d'essayer. C'est exactement ça. Tu peux pas t'attendre à une si bonne expérience que ça à tous les soirs parce que parmi les 25 000 restaurants, seulement 3 des restaurants de New York, 3, hein, 3 doigts, ont reçu le statut de 3 étoiles du prestigieux Michelin Guide, le guide Michelin, qui a donné 54 étoiles en tout aux 25 000 restaurants de New York. Et eux, ils ont dû faire une partie du tour. Peut-être pas les 25 000, mais quand même. D'ailleurs, on dit que la vie moyenne d'une personne, d'un New-Yorkais, est à son summum, à son plus élevé depuis toujours, de tous les temps. Donc, les gens vivent jusqu'à 79,4 ans en date de 2010. Donc, si tu as 11 ans, tu pourrais manger à un nouveau restaurant chaque soir de ta vie sans les voir deux fois. Évidemment, toi, c'est encore moins pire. Tu pourrais même pas te rendre jusqu'à 25 000. Il faudrait que tu t'en prennes deux par soir, une fois de temps en temps. Ben là, tu sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. Non, mais on s'entend que t'as pas 11 ans, là, hein? Non, mais... Bon, bonne chance de vivre jusqu'à 110 ans, ou je sais pas pour compenser. Comme tu veux. Je te le souhaite bien. Donc voilà pour New York. Sinon, parlons d'hippopotames un petit peu. Les hippopotames sus rouges, ça veut dire ça? Non. Il est su-rouge. Donc, évidemment, on pensait souvent, avant de découvrir ça, j'imagine, que les hippopotames saignaient d'une blessure et tout et tout. Mais non. Quand un hippopotame... Non. On peut pas faire de liaison quand il y a un H, hein? Un hippopotame... Ça se dit mal, ça. Ah, regarde. Un hippopotame, mettons. Quand il transpire, sa sueur devient rouge à cause d'un pigment rouge et orange, des pigments inhabituels qui sont sécrétés à l'intérieur de sa sueur. Donc, les molécules à l'intérieur de ce pigment-là absorbent la lumière ultraviolette. Donc, la sécrétion des hippopotames, c'est aussi un écran solaire naturel. Oh! Colin, va flatter un hippopotame, tartine-toi le corps avec ça. Je suis pas sûr que je vais aller flatter un hippopotame parce que c'est agressif. Ben justement, mon prochain fait parle justement de l'agressivité des hippopotames. Hey, c'est génial. Mais avant, je vais finir celui-là. La substance contient est plutôt acide et a aussi des propriétés antibiotiques pour un hippopotame. Donc, tu pourrais le flatter et le licher. Tu vas passer mon tour. Je disais, les hippopotames tuent plus de gens par année que les lions, les éléphants, les léopards, les buffles et les rhinocéros combinés ensemble. Incroyable, mais vrai. Les chiffres véridiques sont difficiles à trouver, mais on dit quand même, les Africains sont d'accord pour dire que ce sont les animaux les plus violents au monde. Ils se battent, ils tuent des crocodiles. Ils se battent avec et tuent des crocodiles, ces hippopotames-là. De plus en plus, des humains aussi. Les hippopotames tuent des gens sans qu'ils s'y attendent quand ils s'approchent trop d'eux. Donc, quand l'humain s'approche trop, l'hippopotame, des fois, peuvent se faire tuer. Ils ont aussi noyé des gens en faisant pencher des bateaux, en faisant chavirer des bateaux et en tirant des gens dans l'eau. En tirant complètement les personnes dans l'eau. Certains ont même suggéré que les hippopotames pouvaient mordre les têtes des humains, donc complètement enlever la tête de la personne en la mordant. C'est une mort assez... Tu souhaites pas ça à personne, tu sais? Bon. Non. Et on termine avec une visite au Venezuela, où ils ont suspendu leur premier permis de conduire à vie. À vie? Hein? Ben oui, c'est le produit, le Venezuela, qui produit le plus d'huile, donc de pétrole, au monde, non pas au monde, on dit en Amérique du Sud, voilà. Donc le Venezuela considère toujours les droits de ses conducteurs. J'imagine que c'est parce qu'ils veulent vendre plus de pétrole dans les stations-service ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment très rare qu'ils arrêtent quelqu'un. On dit que le gaz là-bas coûte environ 12 cents par gallon. La plupart des gens, la majorité de la population fait de la vitesse régulièrement, donc dépasse les vitesses permises. Les autorités testent rarement pour voir si quelqu'un a bu avant de conduire, contrairement à ici où il y a tout le temps des blocages. Par contre, en 2008, le gouvernement a présenté une nouvelle loi qui permettait la suspension d'un permis de conduire. La loi n'avait pas été employée jusqu'à ce que Ramon Parra, de 41 ans, ait décidé de faire de la vitesse dans un autobus. D'accord, le gars conduisait un autobus avec beaucoup trop de passagers à l'intérieur et l'autobus manquait une roue. Il s'en est pas rendu compte. Ben, j'imagine que oui, mais il s'est dit « Personne n'arrête personne ici de toute façon, donc je vais continuer comme ça. » ça a mérité une suspension de 12 mois. C'est la première suspension de ce genre-là au Venezuela. Incroyable. Enfin! Il me semble, à un moment donné, si ta limite est là, ta limite est à un autobus chauffé trop vite avec trop de gens dedans, il manque une roue. C'est ça ta ligne, la ligne que tu traces dans le sable. Pour okay. enlever un permis de conduire. Ouais. J'imagine quelqu'un qui vient du Venezuela qui vient ici, là, c'est toute une adaptation. Tu dis, ça prend 2 secondes, tu peux arrêter, tu te pour la chronique, c'est un fait pour cette fois-ci. Il y en aura d'autres, évidemment. La semaine prochaine, on va peut-être reprendre notre rythme la semaine prochaine. Là. Parce que la semaine passée, je l'avais pas fait. Mm-hmm. À un moment donné, ça se fait pas, ça, de pas faire des chroniques. Hey. Ça se fait pas. Hey. C'est un fait. Bon, c'est un fait. Incroyable, j'en reviens. C'est la fin de la troisième heure. Il nous en reste une quatrième ici à la vie de croisière d'assemblage requis. Qu'est-ce qui s'en vient, Marie? Il s'en vient que j'ai fait une chronique littérature et il nous reste plusieurs numéros au palmarès. Oh, ben oui, palmarès francophone. 4 pièces à entendre. Quatre on va pièces. Avoir entre autres Panache, les Breastfeeders, Peter, et on a créé un monstre. Tout ça dans la dernière heure. Autre chose à dire? Non, ça va. Non, tu veux danser un peu? Moi, je vais chanter en même temps. OK, dans le chant. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 que je veux dire dans le sens que, tu sais, à un moment donné, des bas blancs, c'est pas très beau, tu sais. Tu dis, comment ça fait que je me suis rendu jusqu'au bas blanc? Parce qu'à un moment donné, je vais acheter des beaux bas, puis là, après ça, j'arrive au bas blanc, ça veut dire qu'il en reste plus dans le lavage, tu sais. Ben oui. Mais en même temps, ça me fait de me demander comment ça se fait que j'ai acheté des bas blancs. Mais voyons, Mathieu. Parce que c'est beau avoir un plan B, mais à un moment donné, il prend les noirs aussi. Les bas blancs pour quand tu portes des pantalons blancs avec des souliers blancs. Ouais, j'avoue. C'est la seule raison d'en porter. Sinon, je trouve que j'ai l'air un petit peu loser comme ça, t'sais. Ouais. Mais bon. Bon retour, c'est la quatrième heure d'assemblage requis ici au 89 FM, c'est fou. J'allais aussi dire que j'ai mis du sirop d'érable dans mon café. Oui, tu as dit que tu mettais du sirop d'érable dans ton café et dans ton gruau. OK, parce que t'en mangeais tout seul. C'est ça, mais du gruau, j'aime pas vraiment ça. On a appris beaucoup de choses à la date aujourd'hui en seulement 3 heures. Et il en reste une autre heure. Je sais pas où est-ce que vous allez mettre toutes ces connaissances-là. Je ne sais pas. Ouais. On est bien, hein? Mm-hmm. Vente pas trop. Non, pas d'orage. Tout est sous contrôle. D'accord. Il nous reste 4 positions au palmarès parce que tout l'été, pour ceux qui ne savent pas encore, on bascule un petit peu de chaque d'une semaine à l'autre du côté francophone, du côté anglophone, du côté francophone, du côté anglophone, puis du carré du côté francophone, du côté anglophone, du côté francophone. Puis... Mais où est-on cette semaine? On est en francophone. Ah, OK. Voilà. Donc, on se fait le top 20 au complet. On a entendu plein de bonnes choses depuis le début de l'émission. Dans quelques minutes, il va y avoir les Breastfeeders avec Ne perds pas la tête. Mais juste avant, on va entendre On a créé un monstre avec Je pleure ou je ris. Mm-hmm. C'est même pas des beaux bobelins en plus. Là. Pourquoi acheter ça? Je n'ai besoin de personne pour me l'attirer. Je suis dans ma tête. Les Breastfeeders avec Ne perds pas la tête. Marie-Antoinette en position numéro 3, ça monte d'une place. Oui, mais juste avant, c'était « On a créé un monstre, je pleure ou je ris » en quatrième position. Et maintenant, c'est le moment de parler de littérature. Voici la chronique littéraire de Marie-Pierre. Tu sais, le petit thème, là, on pourrait jouer à la guitare Google. Ah, wow, ce serait le fun. Mais je sais pas si on serait capable. On n'a pas de talent pour. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Marie-Pierre? Aujourd'hui, je vous parle du livre « L'amour dure 3 ans » de Frédéric Becbédé. Oh. C'est un livre qui est paru en 1997, mais avant tout, je vais vous parler un peu de Frédéric Becbédé, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Frédéric Becbédé, c'est un chroniqueur, journaliste, auteur. Il a également eu une émission de télé. Et ce qui est le fun avec lui, c'est que c'est un type de personnage. Il est quand même controversé, tu sais. Il n'a pas peur d'aborder des sujets, mais sous un angle très cynique. Il va aller chercher, il veut un peu choquer, donc, à travers ses œuvres. Puis c'est ce qui est le fun avec lui. Il a entre autres paru le livre 99 francs, dans lequel il fait une critique de la publicité. Parce que oui, Frédéric Becbédé était publicitaire. Et dans ce livre-là, il critique sa job dans le but de se faire jeter à la porte et il risque. Ah oui. Oui, oui. Donc, ça montre un peu le type de personnage qu'il est. Il a aussi écrit Windows in the World, qui est un livre sur la tragédie du 11 septembre, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Un excellent roman qui est très différent des autres qui est sorti, mais tout de même, c'est un type de sensibilité. Bon, il nous montre qu'est-ce qui s'est passé dans le World Trade Center, mais c'est une fiction. Et là, aujourd'hui, L'amour dure 3 ans, c'est une autofiction. Donc, à travers le personnage de Marc Maronnier, qui est un chroniqueur mondain, un parisien, un fêtard, qui est un peu Frédéric Becbédé. On s'entend, il s'est mis à travers le personnage de Marc Maronnier. On va à travers une histoire qui parle d'amour. Bon, L'amour dure 3 ans. Mais juste le titre, ça nous montre L'amour dure 3 ans. Donc, c'est sur l'amour, mais également sur le divorce, la rupture, l'adultère. Donc, ça touche à tout ça. Un sujet qui a été touché des milliers de fois. Bon, on s'entend. Mais lui, c'est l'angle qu'il prend. Donc, il apporte toujours du pessimisme à travers son personnage qu'on dit, ben voyons, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en même temps, tu t'attaches à lui d'un certain côté. Et donc, une phrase qui peut bien résumer le livre. La première année, on achète les meubles. La deuxième année, on déplace les meubles. La troisième année, on sépare les meubles. Oh. On partage les meubles. Donc, c'est vraiment autour de ça. C'est le personnage de Marc Maronnier qui divorce de sa femme, qui croyait aimer pour toujours. Et tout d'un coup, il se met à se questionner sur la place que l'amour dans la société. Donc, un peu les stéréotypes. On lui met en tête qu'il faut absolument se marier. Puis finalement, est-ce qu'on s'aime vraiment? Donc, c'est tout. Ça tourne autour de ça. Mais c'est pas à l'eau de rose. T'sais. Lui-même, Frédéric Becbédé, dit que c'est un cynisme à l'eau de rose. Donc, cynisme, ça vient annuler l'eau de rose. Oui, c'est ça. On s'entend. Donc, si vous aimez un peu une écriture qui frappe, une écriture, vous aimez ça être choqué un peu, être déstabilisé, c'est vraiment un roman qui est à lire. L'amour dure 3 ans de Frédéric Becbédé. Ça, vous pouvez le trouver n'importe quelle librairie. Ça se trouve très facilement. Mais c'est ça. C'est un livre qui est excellent. Rien d'autre à dire de plus. C'est un très, très bon livre. Intéressant. C'est une théorie qu'on entend souvent, que l'amour se termine après la troisième année. Oui, mais en plus, dans le livre, il met des statistiques. Ouais. Comme quoi, dans plusieurs pays, il y a eu des statistiques qui ont été faites. Et au bout de 3 ans, ben, le monde divorce. C'est pas mal l'endroit, oui. Parce que, mettons, le divorce est signé à la quatrième année. Donc, ça a été décidé pendant la troisième année. Donc, bon, est-ce qu'on est obligé de croire à ça? Est-ce qu'on veut y croire? Bon, ça reste au lecteur. C'est selon. C'est selon. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Bonne lecture. Ben oui, bonne lecture et bonne liste de livres à lire cet été que vous pourrez trouver sur Facebook en suivant Assemblage Requis. Oui, plusieurs livres. Ouais. Beaucoup de travail pour vous, peut-être. Bon, en même temps, beaucoup de plaisir. C'est amusant, c'est ça. Pas du travail quand tu t'amuses en le faisant. Regarde, nous, on fait de la radio. Est-ce que c'est un travail? Non du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé. Alors, on est rendu à la position numéro 2, mais avant de faire ça, on va aller un petit peu visiter le côté anglophone des palmarès. Parce que, bon, tout l'été, on bascule d'un côté à l'autre. Vous le savez, francophone une semaine, anglophone l'autre semaine. Mais on peut visiter le côté sombre des palmarès. Ben oui. On va entendre Miracle Fortress avec Everything Works au 89 FM. C'est fou. Getting rough on the work. Everything Works, The Miracle Fortress, un extrait du côté anglophone de nos palmarès. C'est en position numéro 7. Évidemment, on écoutera le palmarès anglo au complet la semaine prochaine dans la vie de croisière d'Assemblage Rock. Yippee-doo! Ça me rappelle les vitamines des pierres à feu. Hey! Hein? Avec Bertha. On dirait que je m'ennuie pas de ça. Non. J'aime mieux manger des vrais fruits. Mettons, c'est une orange, ça fait la job. Non, mais c'est dur. Manger. Moi, j'ai bien la misère à manger des fruits. Sérieux. Voyons, Mathieu. Non, mais j'ai comme pas envie. Je vois tout dans le frigidaire ou dans les armoires, puis je veux comme tout manger sauf ça. Par contre, mettons des poires coupées en morceaux, là, c'est bon. OK. Mais il faut qu'elles soient coupées. Mais meilleur que du gros, mettons. Ouais, ça, c'est pas mal meilleur. Peut-être coupées et trempées dans du caramel. Dans du sirop d'érable. Ah, Colin. Ah, là, par exemple, ce soir, j'ai envie de manger ça. Marie-Pierre, tu vas nous parler un petit peu du nouvel album de Bon Iver qui s'en vient. Oui, Bon Iver, plus connu sous le nom de Justin Vernon. Plus connu sous le nom de Bon Iver. Ouais, mais c'est son prénom, oui, Justin. Oui, plus familier. Sa famille l'appelle comme ça. Oui, ils ne doivent pas l'appeler Bon Iver. Non. Il sort son prochain album le 21 juin. Drôle de date hein, pour un artiste qui s'appelle Bon Iver, vous me direz. Ouais, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Non. Ça s'écrit bon comme... B-O-N, bon, là. Ouais, ouais. B-O-N. Hiver, mais pas de H. Pas de H. Voilà. Il faut pas le prononcer. Il y en a qui prononçaient Bon Iver. Non, c'est moi, Bon Iver. Bon Iver. Ouais. Je sais pas c'est quoi la vraie prononciation, mais j'aime ça comme ça. Donc, il sort son prochain album qui porte le titre Bon Iver, tout simplement, le 21 juin. Si on se rappelle un peu ce que Bon Iver fait, il a sorti un album en 2008, For Emma, Forever Ago, et avant ça, un EP, Blood Bank, en 2009. Donc, après ça, avant celui qui s'en vient. Ouais. Voilà. Et si on se rappelle un peu ce qu'il fait, c'est de la musique qui est folk, assurément, qui rappelle un peu l'hiver, justement. Ça fait un peu nono de dire ça, là. Mais l'album For Emma, Forever Ago avait été enregistré, il s'était isolé dans une petite, un endroit pour écrire cet album-là. Et ça transparaît beaucoup dans ses chansons. C'est quelque chose, c'est doux, sa voix qui est quand même aiguë. Donc, c'est pas une voix grave ou quoi que ce soit. Ça nous rappelle un genre de confort ou puis en même temps c'est déchirant, tu sais pas trop quelle émotion c'est exactement, c'est un peu de tristesse, c'est doux, donc c'est, ça joue avec ça, avec voilà, et une très belle voix. Et là pour son prochain album, ce qu'on a pu entendre, il y a un extrait qui est sorti, Calgary, et ce qu'on constate c'est que l'instrumentation est un peu plus complexe. Donc sur le Forever, Forever Ago, c'était plus folk avec guitare et c'était moins complexe que ce qu'on entend sur la prochaine chanson. Celle qui va être sur le prochain album. Et celle qu'on va entendre à l'instant. Oui, donc si vous voulez découvrir un peu Bon Iver, oui, achetez le CD d'avant pour ensuite acheter celui qui s'en vient. Ah, d'accord. Voici Calgary, Bon Iver au 89.1 FM. C'est la vie de croisière d'Assemblage Rocky. Don't you cherish me to sleep? Oh. Ça te fait penser à Fleet Foxes, moi ça me fait penser à flatter un renard. À la doux. Ouais, parce que la pochette, ça fait penser à le premier CD de Fleet Foxes. Ouais, c'est très très joli comme dessin. Allez voir sur internet de Bon Iver avec sa pièce Calgary qu'on vient d'entendre. C'est bon! Oui, moi j'aime beaucoup ça. Ah, il nous reste seulement deux positions au palmarès, mais on les garde encore un petit peu plus pour plus tard, parce qu'à un moment donné, on veut se rendre jusqu'au numéro 1, mais il faut créer un genre de faux suspense, comme on aime le faire ici. Donc à la place, on va entrer dans un bloc que j'affectionne beaucoup, mais qu'on fait pas très très souvent. Je sais même pas si on le fait encore cet été, peut-être une fois. C'est le poste d'écoute d'assemblage Rocky. Refais ta danse, c'est quoi? Ta danse du cowboy. La danse du cowboy. Oui, c'est un running gag, on laisse aller le thème beaucoup trop longtemps quand on fait ça, regarde ça. C'est le poste d'écoute d'assemblage requis où à chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un CD à travers les nouveautés de C'est fou. Et puis on l'écoute pièce par pièce à partir du début, tel un poste d'écoute, d'où le nom très très très recherché de cette chronique, de ce segment de l'émission. Et j'aime bien la petite introduction, ça fait. D'où le fait de peut-être la faire jouer plus souvent dans l'émission. Une fois de temps en temps, ça ne ferait pas de tort. Donc aujourd'hui, on découvre le CD La Bête. Bête, B-E-T-E, là, ça doit, j'imagine, être le mot La Bête, mais ils n'ont pas mis d'accent, que voulez-vous, ça arrive. Donc La Bête, c'est le groupe qui est composé de Megan Van Der Gissen à la voix, de Marek Suba à la batterie et de Zenon Salomski à la upright bass, la basse debout, là. C'est ça, là. Oui. Il y a aussi plein d'autres membres. Enrique Scalo, allez, c'est fait un paquet de mots avec de superbes accents de ma part. La pochette est vraiment intéressante. C'est comme une pochette 3D. Ben exactement. C'est un peu comme dans le bon vieux temps du vrai 3D là, qu'on voyait dans les magazines où, avec du bleu et du rouge. Là. Ça se fait encore un petit peu aujourd'hui, là, mais disons que la technologie a quand même évolué. Mathieu, arrête de bouger ça tout comme ça. Oh, excuse-moi. J'ai des hallucinations. Je voulais pas donner mal à la tête. Déjà que t'as mal à la tête à cause du mouvement du bateau sur notre bel océan. Donc, leur CD s'appelle Nom de plume, ou en anglais Nom de plume, comme ils disent souvent. CD composé de 12 pièces. On va commencer évidemment par la première, qui est l'introduction. Elle s'appelle Mama. Donc, on va écouter ça. Mama, suivi de Rhymes with Jack. Est-ce que tu sais d'où est-ce que vient le groupe? On va savoir ça pendant la pièce. Je vais faire mes petites recherches. Mm-hmm. C'est ce qu'on fait dans le poste d'écoute. On se renseigne seulement pendant, et seulement si ça vaut la peine de le faire. Donc, La Bête avec Mama et Rhymes with Jack tout de suite. Dans la vie de croisière d'Assemblage requis, c'est le poste d'écoute. These falsehoods going to your head. I'm ready. Quel excellent endroit pour commencer à parler sur cette pièce qui dure un bon, je te dirais, 33 minutes, la pièce numéro 2 de l'album. Pas que c'est mauvais, mais on va pas... Non, c'est pas mauvais du tout. On va essayer d'échantillonner le reste de l'album tout à l'heure, quelques autres pièces. Je sais pas si elles sont toutes aussi longues que ça, mais on écoute en ce moment la pièce numéro 2, Rhymes with Jack, de la formation La Bête, sur leur album Nom de Plume. Hein? Et là, on s'est renseigné un petit peu sur le groupe, Marie-Pierre et moi, tout à l'heure, et puis on a appris que c'est un groupe d'avant-garde jazz fusion d'Edmonton en Alberta, mené par la vocaliste Megan Vandergissen avec son groupe composé de Zenon Salomski à la basse, Marek Suba à la batterie et Enrique Escalo sur la guitare. On dit que c'est rempli de rêves mélangés avec de la réalité. On a dit que c'est un paysage texturé, mystérieux. Chaque pièce est hypnotisante. L'instrumentation est simple, mais les effets sont très complexes. Plusieurs compositions sont remplies d'explorations sonores poignantes et remarquables, nous dit-on, sur le site de littlewhorerecords.com, petitputerecord.com, là, dans la section sur La Bête. Si vous cherchez un petit peu, c'est assez facile à trouver. Ouais, on aime bien. Hein? Mm-hmm. Bon genre de son. On va aller entendre une autre petite pièce. C'est la numéro 3, évidemment, dans l'ordre du poste d'écoute. C'est Knock Knock. Elle dure seulement 3 minutes, donc on devrait facilement pouvoir l'écouter au complet. Donc on écoute Knock Knock de La Bête tout de suite dans le poste d'écoute et sans quand même se priver d'un petit interpièce qu'on aime donc ici dans le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrive, j'en mangeais, puis il y avait des verres dedans. Oh, des verres! Oh, non. Pas pour moi, ça. Je veux pas de verres dans mes fruits, Colin. C'est ça l'affaire. Mais Mathieu, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Ah oui, on a entendu La Bête avec la pièce Knock Knock, précédée de Rhymes with Jack sur l'album Nom de Plume. Vous pouvez en savoir plus, comme je disais tantôt, sur littlewhorerecords.com, petitputerecord.com. Sinon, cherchez La Bête, Nom de Plume, et ça se trouve assez bien. Ça sonne un peu cirque. Oui, j'aime bien l'aspect cirque de ça. La deuxième pièce, celle qu'on a entendue juste avant, j'étais pas tout à fait convaincu. Une pièce d'une demi-heure, ça va. S'il y a des variations, j'imagine qu'il y en avait. On aurait sûrement pu l'écouter au complet si on avait une émission d'une heure pour ça. Mais non, j'aime la troisième plus que la deuxième. Ah. À ce que j'ai entendu. Bon. Voilà pour La Bête. On a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission qu'on écouterait Man Man avec leur nouvel album. On va garder ça pour la semaine prochaine, étant donné qu'il reste environ une vingtaine de minutes à l'émission. Donc, soyez patients. Ça s'en vient la semaine prochaine. Ça va rester bon, j'en suis certain. On va aller entendre nos positions numéro 2 et 1 à l'instant. Par contre, non, pas à l'instant. Est-ce que j'ai dit à l'instant? Je crois que j'ai dit à l'instant. Retire tes mots, Mathieu. Je retire mes mots. On va l'entendre une petite publicité avant, parce qu'on est dû. On va l'entendre ça. Et puis après ça, on revient avec plus de la vie de croisière à l'assemblage requis. Vendu? Vendu. Merci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Marie-Pierre, Mathieu, croisière, assemblage, requis, c'est fou. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis, oui, au 89.1 FM, tel comme l'annonceuse l'a dit, l'annonceur, l'annonceuse. C'est comme matelot ou matelote, les deux se peuvent, tu sais. C'est vrai, matelote, mais c'est laid. Bah, ouais, non, c'est pas matelote, c'est pas écœurant. Je t'appellerai pas matelote. J'espère. Il nous reste très peu de temps, une quinzaine de minutes à cette édition de la vie de croisière d'assemblage requis. Assez de temps pour entendre nos deux positions, numéro 2 et 1, hein, du je côté francophone. Ben, Caroline, la semaine passée, il a fallu qu'on... Non, c'est il y a deux semaines. On avait un petit peu pas tout à fait joué le numéro 1 au complet, genre, c'est comme... Donc, numéro 2, c'est Panache, avec Catherine ou une journée mémorable. Ça monte d'une place. Après ça, Marie-Pierre, je te réserve, avec le talent que tu me connais maintenant, hein, un jeu de mots extraordinaire. J'ai hâte. J'ai très, très hâte aussi. Donc, Catherine, tout de suite, de Panache, sur C'est fou, dans vos oreilles. Oui, ça. Corps par-dessus le bord dans la fosse empirée. Comme j'avais mort, était fausse idée. Discuter autour d'un café renversé de toute manière bien trop fort. Avec des papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords pour personne. Les remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. Sur le plancher de danse, un petit mensonge. Mais à quoi tu penses, à quoi tu penses? Quand tu t'es retrouvé entre deux jambes blanches dans une chambre noire, des noirs encore, des remords du matin. Que tu connais trop bien, tu le connais trop bien. Quand tu es là, le cellulaire t'explose. La night, l'autre bout, on te demande. Bien plus, t'en éloigner On vient d'entendre la position numéro 2, c'était Panache avec Catherine ou une journée mémorable. Ah, c'est presque la fin de l'émission, là, c'est ton moment préféré, j'en suis certain, avec le temps. Mathieu, j'ai attendu toute la semaine pour ça. Pour vrai? Déçois-moi pas. Non, mais je vais pas t'enlever ce plaisir-là, je vais pas te retirer ce plaisir-là, je vais pas... C'est un synonyme de réfractaire, ça veut dire comme se retirer de quelque chose, je pense, hein? C'est à peu près ça, non? Non, je sais pas, j'ai pas été voir ma définition, j'aurais peut-être dû, hein? C'est pas très très bon, hein? C'est plutôt poche-poche, mettons. C'est pas très bonbon. Allez, Mathieu, reprends-toi, là. Go. Ben, qu'est-ce que tu veux faire comme jeu de mots? Je regarde ça. Il n'y a pas de jeu de mots à faire avec ça. Réfractaire. Ben non, réfractaire. Non, mais t'aurais pu donner des indices pour le nom de l'artiste. Le nom de l'artiste, artiste. Dit-il, avec un écho, écho. Au loin, loin. Dans son micro, cro. Non? Non. Est-ce que t'es en train de dire que mes jeux de mots ne vont pas frapper... des scores, comme mettons, ils vont pas aller péter le sommet du baromètre des jeux de mots, mettons. Mettons que t'as déjà glissé le jeu de mots, là. Quand même, pas si pire, t'sais, mettons. Mais il n'y en a pas d'autre que ça. Sinon, je pourrais dire que je me suis pété la gueule, mais ce serait comme le même jeu de mots exactement. Péter, réfractaire, c'est ça numéro un. Ça va? Oui. Mais c'était pas une semaine pour faire des jeux de mots avec une pièce comme ça. Il va falloir en parler au directeur de la programmation. Faut pas que tu me mettes une pièce avec un jeu de mots infaisable, là. Mais là, Mathieu, c'est un défi pour toi. Prends-le comme un défi. Ah, j'avoue. Donc, numéro 1, tout de suite. Et puis après ça, ben, il va nous rester très, très, très peu de temps pour aller accompagner le reste de cette émission avec de la musique de notre choix. Tombe en amour avec. Voyons, même si t'aimes pas ça. C'est cute, un petit mignon, un petit chat, un petit minou. Voyons, non. Tantôt, tu vas les trouver? Oui. Tu vas chercher des chats, tu vas les donner à qui? À mes beaux-parents. Ah, ils sont chanceux. Oui, deux petits chats de 2 mois. Un petit château neuf. Deux petits châteaux ouais. neufs. Bon. Alors, on vient d'entendre quoi? Le numéro 1, Peter, avec Réfractaire qui monte d'une place. Sixième semaine, donc ça a pris quand même un bon bout de temps avant de se rendre au numéro 1. Mais pas si pire. Sur l'album qui s'appelle aussi Peter. Et avant ça, on a entendu Panache avec Catherine ou Une journée mémorable. Ça montait d'une place sur l'album Panache. C'est presque la fin de l'émission pour cette semaine, déjà. Mais on a le temps pour s'accompagner un petit peu de musique qu'on a choisi. Oui. Puis là, je vous relance encore le même groupe. Mais je veux que ça rentre. Bon, on s'habitue tranquillement pas vite à ce oui, son-là. Parce que, oui, je vous fais encore entendre une chanson de Smith Western. Mm-hmm. Smith Western qui va être au Festival à Oshaga la fin de semaine du 30-31 juillet. Ben, mais cette année, du 29-30 et 31. Parce qu'il a rajouté une journée avec Eminem. Ah, surprenant, oui. Pas la même genre. Hein? Donc, si je me trompe pas, Smith Western, c'est le dimanche le 31 juillet. Et c'est à voir, absolument. Un jeune groupe. Des jeunes hommes. On les écoute avec de jeunes hommes celui-là. On les écoute avec All Die Young. Tout de suite, après ça, on revient avec la conclusion de l'émission. Restez avec nous. C'est la chanson « All Die Young » de Smith Western. Ah, que c'est joyeux, ça! Oui. Ça sonne un peu église au début, mais c'est une très bonne chanson. Ça se reprend après. Ça compense. Donc voilà pour cette édition de la vie de croisière d'Assemblage Requis. C'est déjà terminé. Ces 4 heures ont passé extrêmement vite, comme toujours. Qu'on a du plaisir sur un bateau avec des gens de qualité. Ah. Hein? Voyons, c'est bien gentil. C'est beau. Alors, on va se quitter avec deux petites pièces, vu qu'on n'a pas d'émission après nous. Juste en passant, comme ça, pour ceux qui sont pas courants, il n'y a pas de dose d'estrogène à 17h aujourd'hui. Marie-Michel va être de retour la semaine prochaine seulement. Donc, ce qui va nous suivre, ça va être La Sécheuse. Ensuite, ce sera La Spirale avec Mathieu Leblanc-Haul à 18h et puis Sky Panka à 19h. Et en fin de soirée, c'est Simon Fitzbé, celui qu'on a reçu tantôt, avec un genre de bleu. Si vous nous écoutez le samedi, parce qu'on est en rediffusion les samedis à midi, ce sera C'était fou que j'anime à partir de 16h. Et puis le lundi, où on joue de 15h à 19h, ce sera La Sécheuse aussi. Et puis Rock Révélé à 20h. Vous pouvez retrouver les balado-diffusions et toutes les notes de l'émission sur assemblagerequis.com, évidemment. Et les liens aussi sur Facebook en suivant Assemblage Requis. C'est très simple, c'est le petit bateau. Le petit bateau avec le ciel bleu. Le beau ciel bleu. C'est ça qu'on voit toutes les semaines quand on se balade en bateau comme ça. Mm-hmm. C'est beau Beyrouth, hein? C'est Beyrouth, c'est ça les statues, les. Oui, les mais j'aime montagnes. Bien le groupe Beyrouth. Hein? Oui, je sais. Alors, on va se quitter avec une pièce de Mother Mother qui, en passant, est au numéro 1 du palmarès anglophone, mais pas la pièce. Dans le fond, la pièce qui est sur le palmarès, c'est The Stand. Mais on l'écoute tellement souvent que j'avais envie de varier, étant donné que j'aime beaucoup Mother Mother. Alors, on va écouter la pièce Aspiring Fires. Et puis après ça, on va se quitter avec le nouveau succès de Ma Tante Frac, le Sal Wave. Ma Tante Frac qu'on va avoir en entrevue éventuellement ici à l'émission, c'est certain, parce qu'il me l'a demandé et je vais lui dire oui. C'est fin, hein? Parce qu'on l'aime, Ma Tante Frac. Donc le Sal Wave qui va terminer Renard l'émission. Renard Frac, voyons. Renard Frac, excuse-moi. Eh hey, ben oui, il a changé de personnalité, c'est plus Ma Tante Frac, c'est Renard Frac. Je me mêle tout le temps, toi. Frac, appelons-le juste Frac. Bon. Donc, c'est ça. Ben, passe une belle semaine, Marie-Pierre. Et toi aussi, Mathieu. Bonne semaine à tout le monde. On remercie Simon Fitzbé. On remercie Émilie Gauthier. On remercie vous d'avoir écouté. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Toi. Moi. Toi, Mathieu. Pas important, ça. Bonne semaine. Bye.